avec ma mise. Quand cellule et moi l'accompagner. Verser des acomptes au grossiste. Et parler des kisses. Assis dans ma cellule, je lis ta lettre au bord du gouffre, au bord des drames. Le stylo pleure, mon caisse souffre, tu es en larmes. Chez nous on cache nos sentiments. Gentiment, on préfère dire casse-toi, va-t'en que de crier je t'aime comme Lara Fabian à toutes les Fatima, les Fatou. Merde qui blinde nos parloirs. Pardonne-moi de douter, mais trop de gratteuses blindent mon répertoire. Et dans mes petits yeux marrons, tu peux lire ce que je ressens pour toi. Ne force pas à dire ce mot, j'ai trop d'orgueil pour ça. Rappelle-toi quand on était pauvres et heureux, qu'on galérait à l'arrêt de bus, qu'on se contentait de rien. Un maxi best of plus. C'est de ma faute, nous banlieusards, on en veut toujours plus. On veut sortir celle 600 et cela. Pété au bus, clic, clac, clic, clic. Les menottes, c'est quoi ce bordel? Je vous le dis au final, je suis tombé pour elle. Seul enfermé, qu'on ne pourra plus parler. Est-ce que tu me kifferas? Quand je serai plus au top, on aura beau chercher la lumière du passé. Est-ce que tu me kifferas? Quand je serai plus au top, m'aimeras-tu comme avant, avec ou sans argent? Je me pose plein de questions. Quand je serai plus au top, quand je serai plus au top, et quand je serai plus au top. Quand tu seras enfermé, qu'on ne pourra plus parler, moi je te kifferai. Toujours au top, pas possible d'oublier toute cette année passée. Pour moi t'étais puis. Canal Sat sur PC, tablette, smartphone. Allez, bienvenue, on sort du lit, vendredi 2 septembre. Il est 5h et toute l'équipe du SAC 9 vous dit bonjour. Et on chante. Ça va? Eh ben moi ça va bien. Et dis-moi comment ça va? Bien réveillé, on va faire la fête ce matin. Oui, wouh, c'est la rentrée pour nous, c'est la rentrée pour vous. Et on va en profiter au maximum, plein de bonnes choses à se faire. 100 euros qu'on vous offre ce matin avec le tiers Seyup. Et puis dans un instant, dans moins de 10 minutes, eh bien ça sera place au sondage inutile, les amis. Avant ça, le nouveau hit de Kalash. On a été les premiers à vous faire découvrir. C'est trop bon, Mumu. Oh, j'adore. J'adore, ça s'appelle Néo. Et un petit Sigila, Youssoufa, pour se réveiller juste derrière. Je suis tellement vrai que j'ai l'air faux. Je n'ai jamais oublié les potes de mon bando. Je suis tellement vrai, mais je te donne chaud. Maman m'a dit laisse les parler, c'est que des mots. C'est que des mots, c'est que des mots. Je peux pas poser sur du drop. tu es mauvais. Tu fais quoi, t'es quitté ou y'a que ton ingé qui te connaît. J'suis béni, béni, papa m'a dit tu seras ganache. J'ai des ennemis, ennemis, autour de moi ça sent la rage. Il est une raison de les terrasser. J'écris ce qui t'a effacé. J'suis tellement vrai que j'ai l'air faux. J'ai de l'estime, dans mes textes la vérité je respire. J'fais pas exprès quand j'expire, je les inspire. Que des vrais reconnaissent-ils. Général gros sur le textile. J'pars en balade, oui j'm'exile. Fais gaffe à l'équipe, on est sestip, on est sestip. Certifié par ceux qui ne sont pas sur les réseaux. J'suis frais, j'suis vrai, faut te méfier. J'pourrais te faire perdre les os. Tu m'attends au tournant, tu vas glisser dedans. Assure bien tes arrières, j'prends les devants. J'suis tellement vrai que j'ai l'air faux. J'vais jamais oublier les potes de mon bendo. J'suis tellement frais, mais j'te donne chaud. Ma maman m'a dit laisse les parler, c'est que des mots. C'est que des mots, c'est que des mots. Ils font dérouler pour les couler sous mon flot. C'est que des mots, c'est que des mots. Mes négros sur sont avec moi, j'emmerde les autres. Tous les matins, le 5-9 vous offre sa tournée de bonne humeur de 5h à 9h sur Énergie. C'est ça même. Alors tu chantes comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Alors tu chantes comme un rossignol. Sing it là. Youssoufa. Yeah. Elle te fait chanter comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Elle te fait chanter comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Je viendrai chanter à ta fenêtre. Que tu penses à moi-même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette. Pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor. Te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex. Que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre, toi et moi. Tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle une sirène. Oh, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi. Je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. J'adore ta façon de t'habiller, tu es si coquette. Ton regard me donne de bons frissons. À tes côtés je m'affole, je perds la tête. Ta voix est la plus belle des chansons. Je ne suis pas une contrefaçon, mais bien celui qu'il te faut moi. J'ai mis du temps à te trouver, laisse-moi te prouver ce que je vaux mi amour. Oh, je ne suis pas ma parler dans le vent. Tu as tout. qu'elle rend fou. C'est vrai, c'est un ange. C'est vrai qu'elle t'en voûte quand elle se déhanche. C'est vrai, l'élégance se mélange à son karma. C'est vrai, c'est le genre tu présentes à la maman. C'est vrai qu'elle est douce. C'est vrai qu'elle est bombée. C'est vrai, quand elle bouge, j'ai vu des hommes tomber. C'est vrai qu'avec elle, tu rêves story love. Mon Dieu, mais c'est vrai qu'elle t'a rendu rossignol. Et toi qui t'agrippes pas, grippe pas, grippe pas. Comme si avec elle, t'avais trouvé de l'or. Singila, oui, monsieur. Faut aimer avec le cœur, pas avec les yeux. Énergie, 5h-9h. Dim et Mumu. Ah bah oui, on est là. J'espère que ça va pour vous. Il est 5h08. Mumu s'est chargé de faire le petit canular qu'on va écouter. Oui, c'est l'heure du sondage. Sondage inutile. Ah, ça inutile même, ça inutile, faut. Ça va quand ça vit. Aïe. Je te jure. Bon alors. Balance la sauce, mon frère. Sur ce coup-là, c'est toi, c'est ça? Oui, j'avoue. C'est ah, moi. Cool. C'était une dame ou un monsieur? Un monsieur. Oh, oh, eh ben, laisse-moi découvrir ça. C'est pas tiche, c'est pas toche. J'ai hâte de découvrir ça. Je suis très, très curieux de nature. Oui, c'est ma nature. C'est ma maman qui m'a fait comme ça. Je n'y peux rien. On écoute ça. Le sondage inutile du 5-9 sur Énergie. Ah ouais, curieux même. Oui. Comment ça s'est passé même? D'accord. Ah ouais, c'était super hein, ton truc. C'était ça? Ah ouais, non, mais je... Oui, super. mais bon canular. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu un canular comme ça. Ça bug. Ça bug. Bonjour, c'est Mumu de l'Institut du sondage inutile. Auriez-vous une minute à m'accorder, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup, on y va. La première poupée Barbie était la femme de quel pharaon? Il me semble que c'est César. Bonne réponse. Ensuite, citez-moi une marque qui commercialise du rhum en poudre, c'est nouveau. Machin. Oui, c'est bien ça. Enfin, d'après vous, la sirène d'une voiture de police fait... Ah, 5-9. Ils ont un forfait humour illimité tous les matins sur Énergie. Sur Énergie. Moi, je serais d'avis de dire vivement la rentrée pour ce monsieur. Il devrait la faire aussi. Hein. C'est foutu, non, mais c'est foutu pour lui. Ouais, aucune culture générale. C'est honteux. Voilà. C'est fait aussi pour pouvoir dénoncer ce genre de personnes. Le sondage inutile qui reviendra un petit peu plus tard ce matin. Voici Christopher Martin dans Se Réveil. Dim et Mumu, on est là avec vous sur Énergie dans 5-9. I'm just pillaging the villages. I see the pretty diamonds that I want. I know they're gonna give it up. Beautiful girls are my treasure. Looting their hearts is my pleasure. I've sailed across the seven seas, yeah. But this is my territory. Trouble from the seals, them black. But when them see this skull and bone pon that, from the girl them mad man a go launch and attack. I'm a pirate of the Caribbean. I'm a pirate of the Caribbean. And I'm as sharp as a blade anytime I crusade. I'm a pirate of the Caribbean. On the seven seas, ooh. My riches go to infinity. Oh, my riches go. All these girls are in love with me. time, a crusade. I'm a pirate, pirate of the Caribbean. Le 5-9, le 5-9. Ready or not. Une seule mission. Vous réveiller. Tous les matins, sur Énergie. Sur Énergie. It's your boy Easy. UG official. Music so sensual. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. End up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. End up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me. End up. One in a million. Nobody give me wine like this. Tell me I be one in a billion. Where everybody that they call me cheap. I know they carry pots like a bullion. Where if you give me dance, you go chop deep, deep. Baby girl like a billions. Where you give me chance, make you chop deep. I she do the Al-Qaeda. She said the yo club on fire. Where body big like Bombada. Her body big like Bombada. She say she no want no Wahala. She no want no Wahala. Cause she need a real man like Montana. Oh yeah, shut up, she gon' give me kind of dance with me, I never see. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. She be tryna hold my hand, though. Shorty said she wanna do the tango. I did tell her she be fine all the time when she dance. Say you're sweet, it's a mango. So wind up your waist for me, baby. Your Al Qaeda, they drive me crazy. The way you kill a dance, them I rate it. The love your style and nobody can debate it. So let me see you shocky, shocky. Oh girl, make it take it low. Girl, move your body, body. No rush, baby, take it slow. I swear you know. Anywhere you they be, I'll go. If I phone a friend me, where the if I check me, cause tonight it go be my go, it go be my go. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. End up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. End up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. End up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. On sort du lit, ma Mumu, debout! Debout! Debout! Debout! J'ai pas dit coucher. Ah, y en a toujours un qui va essayer de gruger, je te jure. Allez, on va se faire Tikam Gilles, Tony, pour la suite de vos hits préférés. Tony qui a fait la première partie du concert de Jacure. Pour ceux qui ont eu la chance d'y assister, il était à Mada et en Guada. Allez, on se réveille ensemble, 5h17, à tout de suite. Faites tourner la roulette à énergie et gagnez chaque jour des montagnes de cadeaux. 9h, 13h, la roulette à énergie. Au signal, JC vous invite à faire tourner la roulette à tous les coups, vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez. Pour la rentrée, Digicel n'a pas fait les choses à moitié. Tous vos forfaits Digicel sont à moitié prix pendant 2 mois. Que diriez-vous d'un forfait no limite 1 heure à 8,50€ pendant 2 mois? Rendez-vous vite dans votre boutique Digicel. En ce moment, le nouvel Alcatel Pop 4 Plus avec son grand écran 5,5 pouces est à 29€. Et le nouveau Wiko Leni 3 est offert. Vivons l'extraordinaire. Digicel. Offre valable jusqu'au 2 octobre 2016. Remise appliquée sur le montant des deux premiers mois de forfait. Prix des mobiles dans le cadre d'une offre portabilité. Durée d'engagement minimum de 12 mois. Voir conditions en point de vente. Jusqu'au 3 septembre, opération rentrée des classes dans vos 4 magasins City Sport. Toutes vos marques préférées sont là. Adidas, Puma, Nike, Asics, Lacoste, Armani, Quicksilver. En ce moment dans vos City Sport, le sac à dos Everyday édition Quicksilver est à 24,90€ au lieu de 39,90€. Les chaussures Adidas ZX Flux Junior sont à 59,90€ au lieu de 74,90€. L'opération rentrée des classes, c'est jusqu'au 3 septembre dans tous vos City Sport. Catalogue disponible sur la page Facebook City Sport. City Sport, 4 magasins à Bas du Fort Gosier, rue Frébault, Pointe à Pitre, centre commercial Milénis et Destreland. Ici, c'est Énergie Antilles, première radio musicale. Tous les dimanches, 17h-19h, c'est Beach Party sur Énergie. Grosse ambiance caribéenne. DJ Oui Oui, VG Ben. 2 heures de mix pour boucler ton week-end en mode fiesta. Énergie Beach Party, ce dimanche, 17h-19h, sur Énergie Antilles. Jusqu'à 9h, c'est le 5-9 sur Énergie. Ou ben mwen love yon barricade mwen, an ba oken plein wash pou an pa domi ou waw. A savouen mais moi qu'on patine, mais love en patine, peut-être en con YouTube. Et depuis tout jeune moi en faire promesse, en rentrer en problème, la paix m'a qu'est si les vents. Bon t'es trop jeune pour supporter ça, ou t'es moins changé bas, ou qu'à la qui moi. Vieux mais fin pas chahé moi. Sans m'y enfant comprendre qu'en pas rien de bon. Sous pas t'écouter parole à intel, peut-être j'ai des jours nous t'es ensemble. Tous les deux nous fait chemin. J'ai de la nous pas rien encore. En espérant qu'elle en rouvre. En pas même on l'a encore. Et si ça vraiment fin? Tout le monde me commande. Hier matin nous t'es complices. J'ai de la nous pas rien. Nous tout trop jeunes ça néanti nous. Nous brisez nous tout l'été. Nous t'es trop jeunes ça néanti nous. Nous va t'y savoir ça nous verrait. Même si mon bar love, gentil, j'ai mal la vie, séparé de nous. C'est pas un million en moi qui fait la peine, on va y créer moi. C'est vous qui fait moins souffrir, pas charme, moins l'amour. En TV, bar tout, tout est resté ou à moi, on te give all love. Oh, oh. Mais bon, après tout, qu'est en moi, chale virer moi, mais ou toujours. Parole c'est les vents qu'abandonner, girl. On veut pas faire souffrir. Mais pas la vie non randonnée. Donc, en qu'elle laisse la faire. En qu'à songer ou avant dormir. Et en jusqu'à rêver d'elle. Avant ou partir, espérer qu'on prend soin d'elle. Et si ça vraiment fin? Tout au moins, mais ou quand même. Hier matin, nous t'es complices. Chante là, nous pas rien. Nous t'es trop jeunes, ça anéantit nous. Nous brisez nous tout l'été. Nous t'es trop jeunes, ça anéantit nous. Nous battez ça, ça nous verrait. bienvenue sur Énergie 5h22. L'astro-roulette du 5-9 Énergie. Et on l'a fait tourner avec Mumu ce matin sur Énergie pour choisir nous aussi. Il est 5h22, le moment de la faire tourner cette astro-roulette. Donc Mumu, ça donne. Attention. Et ce matin, on tombe sur les taureaux nés entre le 20 avril et le 21 mai. Voilà, si c'est votre signe, appelez-nous maintenant. On vous offre la pochette astro de la Française des Jeux après Calvin Harris et Rihanna. Voilà. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Ça va être bon parce que sur ce coup-là, à 5h27, on vous offre la pochette astro de la Française des Jeux, Mumu. Et cette pochette astro, je vais l'offrir aujourd'hui à un taureau qui sera né entre le 20 avril et le 21 mai. Pour le taureau, aujourd'hui, quelques difficultés dans la vie conjugale, mais rien de grave, hein, pas de panique, ça va s'arranger d'ici demain. Côté argent, tout est à l'équilibre et santé, on n'oublie pas les bonnes résolutions de la rentrée, bien sûr, hein, les Alors, taureaux. Qui va faire. Qui a été lâché dans la savane du 5-9 Énergie, Mumu? Et c'est Guylaine ce matin. Bonjour Guylaine. Bonjour. Bienvenue Guylaine, bon réveil à toi. Tu es taureau, c'est ça? C'est ça même. Comment s'appelle la femelle du taureau? Il a nous gagné aussi. La vache. Oui, bravo, Guylaine. J'ai eu peur quand même. Ah, j'ai cru qu'elle allait me dire la taurine. Bon, enfin. C'est pas ça. Guylaine, on t'offre donc la pochette de la Française des Jeux que tu vas pouvoir gratter tout le week-end. Ah bah voilà. Wouh ! Merci. Grâce à la Française des Jeux, donc tu vas peut-être pouvoir t'offrir ce qui te manque pour la rentrée, pourquoi pas. Espérons-le. Eh oui, Guylaine. Passe une bonne journée à l'écoute du 5-9. Merci. Trop mignonne. Allez, la suite avec Stacy, G-Max, Whitney Houston, Dime et Mumu, on est là dans le 5-9. Ouais. En paix faible ou en paix lili, parce qu'on t'est qu'à voir de temps en temps. Mais on a senti qu'elle commence à love me. Au début, ça t'est clair. C'est ni un qui sexe, pas ni histoire à faire. Et si vous tombez love, vous qu'est dit comme un fond cher. Nous, on pas là pour faire la peine. On nous finit et puis ça s'ouvre ou pas ça. Compliqué. De plus en plus tu cherches à m'éviter. Entre nous aucune réciprocité. Mais j'ai du mal à me valider. De jour en jour sentiment qu'a grandi. Alors que bah ouais un peu qui bougeait. Oui moi je savais tout ça déjà prédit. Mais l'histoire peut changer. Je t'aimerai avec passion. Entre nous, y'a qui sexe, t'es ni entre nous. T'es déjà dit, moi ça dès le départ. Ni non, t'es chou pas avec ce doux. Et puis, on est sexe toujours. Love money, bon, malheureusement, ça trop tard. Je t'aimerai avec passion. Tendrement, lentement. Je l'aimerai, t'es ma posée. Yes, yes. Sur mon corps, comme s'il t'appartenait. Je t'aimerai avec passion. Tendrement, lentement. Je l'aimerai. Entre nous ça s'est toujours bien passé. Je ressens que tu n'en as pas assez. Mais comment te le dire gentiment sans t'offenser. On peut toujours se voir sans pour autant s'attacher. Ou dis-moi yes. Que entre vous et moi c'est qu'il y a qui sexe. Que pas ni prise de tête ou pas ni pièce tristesse. Non. Les Antilles se lèvent du bon pied. Les Antilles se lèvent du bon pied. C'est le 5-9 énergie. If tomorrow is judgment day. Sing, mommy. And I'm standing on the front line. And the Lord asked me what I did with my life. I will say, I spent it with you. God is alright. It's alright. God is alright. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty. Oh my. And I feel like I wanna go home. it's okay if you're coming with me. It's alright. If I lose my fame and fortune, really don't matter. And I'm homeless on the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay. It's okay if you're sleeping with me. My pleasure's alright. As the years they pass us by, years. We stay young through each other's eyes. Each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay. As long as I got you, baby. The judgment day. Tombés dans une marmite de café quand ils étaient petits. C'est le 5-9 sur Énergie. C'est pour ça que je déteste le café. Voilà. Mumu, c'est plutôt du thé, hein, c'est ça? Oui. Au lever du thé, mais après, c'est du café. Hein. Ouais. Ah ben voilà, j'espère que pour vous, tout va bien. Café, thé, chocolat. On y est, 5h36, c'est l'heure du défouloir du peuple. Vous le découvrez depuis hier. En fait, si vous avez un mot à dire, quelque chose à dire, un coup de gueule à passer, un coup de cœur à passer, un talent en particulier, eh bien, exprimez-vous à tout moment sur ce défouloir du peuple. On a encore reçu des messages, Mumu, enfin. J'ai peur. Moi, j'ai encore plus peur que toi. Parce qu'apparemment, il y en a un qui me concerne encore. Ah, je te jure. Le défouloir du peuple dans le 5-9 sur Énergie. Truc de fou. Hypothé. Mamie belle, belle, tu es belle. Tu es tellement belle. Hé, le peuple. J'avais un gros big force avec 32 petits-enfants qui fait la rentrée cette année. D'ailleurs, on a dit qu'on ne s'est pas oublié de passer vrai mamie pour prendre une cuillère l'huile foie de morue à sauter. C'est le meilleur fautif, là. Ah, dégueulasse. Ouais, mamie en ouais. Mais non, Dimitri, t'inquiète. On avait compris que tu faisais partie d'Al-Qaïda. Mais en fait, tu vois, c'est toi qui portes la burqa. Ah bon? Le défouloir du peuple. Ah ouais. Dans le 5-9 sur Énergie. Ah, Yocolo. Il y a foutu à la fête, Florent. On a gagné des bouts à fond. Mais non, fond. Il a de la chance, je suis de bonne humeur ce matin. Très bonne humeur même. T'as perdu. J'avoue. 1-0 pour lui. Pixel Canyon pour la suite de Weed préféré et aussi Conscience dans un instant. Même quand je sais que c'est

make you feel like though? Why you feel like? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Girl, you feel mine till you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, you feel broke off your back, broke off your back. Broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue. Know you got the glue. Know you got the glue. Come broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Yeah, yeah. Ladies, I'm here. Chance, 5h43, bon réveil dans le 5-9 énergie. On est là avec vous, il y a Dim, il y a Mumu qui est là aussi, tranquillement, et qui a ramené son appareil pour faire des smoothies. Un blender, Dimitri, des stress, ça s'appelle un blender. On m'a pas tu connais pas anglais. Moi, je suis pas très fort en anglais. Oh, quand même. Le blender. Bon, apparemment, il fonctionne, il est branché. On va mettre un hit dedans, ce qui nous donnera un smooth hit. Voilà, smooth hit. C'est nouveau, c'est nous qui l'avons inventé. C'est des mots. Voilà. Eh ben attention, si vous le reconnaissez, ce smoothie là, vous nous appelez au 0825 825 696. On met un hit dedans. Facile. T'as pas mis je sais. C'est bon, je sais. Ah ok, j'ai pas besoin de le repasser. Alors bah écoute, c'est cool. Vous prenez le téléphone, vous nous appelez maintenant. 0825 825 696. Vous repartez avec les premiers cadeaux de la journée. I wanna go one on one with you. C'est Taïgao. C'est pour la suite de votre préféré. Et le 5-9 vous dit bonjour. Bonjour. Relevez chaque semaine le nouveau défi selfie de Will. 15h-19h. Énergie selfie. Balancez vos plus beaux selfies des vacances. Soyez beau, soyez fou, soyez originaux, soyez vous-même. Le selfie le plus liké gagne un Samsung Galaxy S6 sur Énergie. C'est déjà la rentrée chez Matrix avec des prix imbattables sur les plus grandes marques. Matrix, le magasin toujours imité, jamais égalé. Matrix, c'est faire la différence. Écoutez ça, un jeans plus un t-shirt et un boxeur à 29 euros. Un t-shirt caporal à 19 euros. Une paire de Vans adultes à 49 euros. Les Air Max sont à 99 euros. Et attention, arrivage massif de sacs à dos pour les ados. Rip Curl, Nike à partir de 29 euros. Sans oublier la foire aux bonnes affaires de la rentrée pour les petit budget. Matrix, toujours le premier de la classe. Ouvert 7 jours sur 7. 3 magasins au Moule et un autre à Saint-François. Rejoignez les followers d'Énergie Antilles sur Twitter. Twitter.com/EnergieAntilles. Réagissez à tout moment et puis tweetez. Hashtag Énergie Antilles. Énergie, la radio numéro 1 sur Twitter. Après des vacances de folie, la Blue Magic vous offre sa dernière soirée afin de vous remercier. Samedi 3 septembre, Blue Magic au Kama Club avec les meilleurs DJs de Lille. Dress code Fashion and Chic. Reza et Infoline 06 90 55 58 84. La dernière Blue Magic des vacances, ce samedi 3 septembre au Kama Club avec Énergie Antilles. Prévente disponible sur All Mall. Vous écoutez Énergie Antilles, première radio musicale. Retrouvez tout Énergie Antilles sur votre smartphone. Plus de 90 web radios. Téléchargez gratuitement l'appli Énergie Antilles. Jusqu'à 9h. C'est le 5-9 sur Énergie. My number one, you're 101. I wanna go one on one with you, one on one. And I want you to want me too. You're 101. I wanna go one on one with you, back to the front with you. Don't let them make you regret it. They'll be fake if you let them. Don't let them make less out of something that means so much to you. I wanna make you feel comfortable. Girl, you know I f*** with you. like summer school and Lunchables. We the untouchable, yeah. You don't have to suffer, no, yeah. I was made custom for you. Only give my love into you. You my only one. You my number one. You're 101. I wanna go one-on-one with you. And I want you to want me too. You're 101. I wanna go 101 with you. Take the thug in me and put some in you. Now you wearing bandanas, rocking your man's flannels. Flight to Dubai, gotta pop a Xanax. Me no love for them body boy antics. Gonna make me you poor choppers out the attic. I'm a savage, straight savage. Yeah, they laughed at my dream to live in lavish. Be no pretender, we both remember. All these was ghosts before I had the phantom. Before I had the gram, I couldn't get at them. The five rock rings like Saturn. They ain't wanna hang out when I try to plan it. That's why I give all I have to you. Then I know I got the juice. Then I know. Then I know I touch money like masseuse. Them don't I was made know. Custom for you. Only give my love into you. You my only one. You, you wanna one. I wanna go 101 with you. 101. You, you wanna one. I wanna go 101 with you. Back to the front with you. Yeah, grind and bun with you. You're 101. I wanna go 101 with you. Back to the front with you. Don't have to front, it's true, yeah. You're 101. I wanna go 101 with you. I want you to want me to. I wanna go one on one with you. Énergie, 5h-9h. Tim et Mumu. Ah bah oui, on est là, il est 5h50. Et on va vous offrir des cadeaux, les premiers cadeaux avec le Smooth It que vous deviez reconnaître. Je repasse l'extrait. Voilà. Et si vous avez reconnu, 0825-825-696. Mumu, on enclenche le blender, c'est ça? C'est parti, le blender. T'as pas des appareils avec un nom français? Un mixeur? Oui. Non, c'est anglais encore. Un blender. Un mélange de choses. Alors, ah oui, pourquoi pas? On l'écoute, on va voir. Écoutez bien, ouvrez grand les oreilles. Voilà, Mumu a reconnu, elle m'a dit, parce que évidemment, elle ne voit pas ce que je mets dedans, elle a le dos tourné. Eh ben, on prend les auditeurs au téléphone. Jérémy. Jérémy. Oui. Comment va? Oui, oui. Ferme-la vite fort. Eh ben, ça va tranquille. Voilà, arrête de rouler à 130 km/h, la vitesse est limitée à 90. Ok? Déjà, de 1. Alors, as-tu reconnu le smoothie de Jérémy? Oui, donc je dirais coller la petite. Coller. Bravo Jérémy, on applaudit bien fort. Ouais. C'était bien. Merci, ça. Merci. Eh ben, de rien. Bah tiens, j'ai même envie de l'écouter là dans un instant. Pourquoi pas? Jérémy, on va t'offrir donc les cadeaux. Passe une bonne journée avec le 5-9 Énergie. Ok, merci, pareil moi à vous aussi. Merci Jérémy. Ça c'est une petite douceur pour sortir du lit tranquillement. Oh là là. Pour se brosser les dents au ralenti. Pour verser les cornflakes dans le bol de lait au ralenti. Ouais, et puis tu te sens sexy. Ouais, voici TKMJ, ça rime en plus. Jalousie, j'ai tué dans mon girl. Ou pas ni pour confiance à dans moi. A pas arrêté trop loin de vous. Pas savent quand enfermer ça pas rien. Sourire encore un moins fou. Pensez à en vrai tristesse à la tête. Bah t'es j'en comprenne que c'est vous. Qui t'es que fait moins marcher à l'appel. Mais si là est nos rendez-vous. Un qui parti avec ça pas rien. Ou j'ai essayé mais ça pas la peine. Ou qu'à vivre dans des mondes parallèles. Village à qu'à défiler. Si moi, vêtant, y pas ni encore. En qu'est laissé ça tomber. Et même sous un mémoire en l'eau. Vini, vini, oh, wow, moi, mon sans foi, ça y a pensé de nous. Fini vlopé ou un bras en main, qui garde ses ni aux alentours. Parole passe contre moi, c'est avec un homme fou. Pas ça sans fait par en moi, paranoïa là, ben moi doute. Fini, fini ou un bras en main, m'en foua, ça y a pensé de nous. Fini vlopé ou un bras en main, qui garde ses ni aux alentours. Et si ça t'est ni pour finger, l'en pas t'es que regretter ailleurs. Sentiment, moi touché limite, relation en nous pas t'es ni valeur. Sous t'es rété ou en moi, sous t'es rété en bas en moi. Si en t'es rété seul, là y'a de tout ça pas t'es qui fait. Problème t'es qu'à prendre tête en moi, vous-même à tout, on pas changé ailleurs. Parole à yo, pas t'es pour moi, ou fait tort, ou moi même en fait en moi. En vérité, un peu j'ai oublié, flèche à cupidon passé derrière, il pique et j'ai tout. Fini, fini, oh, ah, moi, m'en fous à ça, y'a pensé de nous. Fini, vlopé, ou un bras, en moi, qui garde ses ni aux alentours. Parole passé contre moi, c'est avec un homme fou. Pas ça, sans fait par en moi, paranoïa là, ben moi, doute. Fini, fini, oh, ah, moi, m'en fous à ça, y'a pensé de nous. Vini vlopé ou un bras en moins qui garde ses nids aux alentours. Vini vini ou un moins. Vini vlopé ou un bras en moins. Parole passe contre moi. Pas ça s'en fait par en moi. Rassurez-vous, écoutez le 5-9 en voiture n'est pas encore verbalisable par la loi. Oups, désolé. C'est le 5-9 sur Énergie. Mm-hmm. Sex therapy, tattoo on my body, got slowly loving. 5h-9h, les Antilles se lèvent du bon pied. Les Antilles se lèvent du bon pied. C'est le 5-9 Énergie. Vendredi 2 septembre, il est 6h du mat et toute l'équipe du 5-9 vous dit bonjour. Bonjour. Je vous propose de chanter. Parce que j'ai ramené une boîte de maquillage pour elle. On va essayer, hein. C'est comme ça, tu le prends avec moi, il n'y a pas de souci, Dimitri. Plus tapitrice. Ouais, vous nous envoyez des messages quand vous voulez sur le Facebook Énergie Antilles. Vous pouvez aussi passer nous voir le matin, n'est-ce pas, Mumu? Eh oui, ce matin, on fait un gros big up à Sabrina. Bonjour, salut, Sabrina. Salut. La forme, salut, apparemment. Sabrina, t'habites où? J'habite au Lorrain. Et t'es venue, tu t'es levée très tôt ce matin. Oh oui, je me suis levée à 4h du matin. Oh, c'est trop mignon.

que t'as là. Chéri ou douce qu'on flaire. Avec senti l'odeur au manier ou écouté. Wow, tout nom fier. Mais même sous peu dégâler sans temps, c'est à voir qu'elle chute. Même moi tout en fait. Il pas de plus brillant qui ou gala veut être tout près. Ou non stress. A quoi trop attaché, ou à vous vivre. Je suis un belle jeune femme. Puis belle jeune femme envoie un tout genre. Si nous qu'est-ce pour life, passons le tout. Il est 6h30, vous êtes avec nous, vous vous réveillez avec nous depuis 5h ce matin. Et vous l'avez entendu ou pas entendu, tout à l'heure il y avait le premier indice du tiers Seyop. Vous avez les trois indices tout à l'heure à 8h35. Vous repartez avec 100€ cash. Alors Mumu, on rappelle quand même le premier indice pour ceux qui n'ont pas entendu. Fraise. Le Cashiop, indice parfum numéro 1. Hein ? C'était fraise, fraise. Yop, fraise, voilà. Fraise. J'espère qu'ils ont entendu, on va pas le répéter. 6h31 de l'info, énergie est de retour également pour ce vendredi 2 septembre. Bonjour Béatrice, 29. Bonjour à tous, l'actualité c'est d'abord la rentrée en Guadeloupe. Aujourd'hui, 100 000 élèves prévus pour cette année scolaire. Arrêté, le trafiquant présumé qui avait pris la fuite à Ducos mercredi a été interpellé hier soir. La classe, le gardien de foot italien, a transformé les huées contre la Marseillaise en applaudissements hier soir avant le match contre la France. Du soleil pour commencer la journée, mais attention, ça risque de se gâter ce soir et demain ça s'annonce gris et pluvieux. C'est donc jour de rentrée pour les élèves de l'académie de Guadeloupe. À leur tour, avec 24 heures de retard sur le reste du pays, ils seront environ 100 000 à reprendre le chemin des classes d'ici la semaine prochaine. Une rentrée étalée, comme dans nos deux îles, placée aussi sous le signe de la sécurité. Comme prévu, les autorités renforcent dès aujourd'hui le niveau de vigilance dans et aux abords des établissements scolaires. C'était aussi la rentrée sur le campus de Schœlcher hier en Martinique, un campus qui ne semble pas affecté par les tempêtes qu'à travers c'est l'université des Antilles. Ces derniers mois, les effectifs sont en hausse, plus 23% cette année. Le narcotrafiquant présumé qui avait pris la fuite à Ducos a finalement été interpellé hier en fin de journée. La veille, au volant d'un gros 4x4, il avait engagé une course-poursuite avec les gendarmes avant de finir dans la clôture d'une maison. Sa passagère avait été interpellée. Le chauffard lui avait réussi à échapper aux gendarmes jusqu'à hier soir. Les ennuis risquent d'aller bien au-delà d'un excès de vitesse pour cet automobiliste. Une grosse quantité de cocaïne a en effet été retrouvée dans son Audi. Quant à la passagère, c'est de la résine de cannabis qui a été saisie dans sa chambre d'hôtel. Le Zika pourrait toucher le tiers de l'humanité. L'info fait frémir. Ce sont les chercheurs britanniques de la célèbre revue de Lancet qui l'affirment ce matin. Outre les Amériques où il a déjà fait plus d'un million et demi de malades, notamment au Brésil, le moustique qui véhicule le Zika risque aussi de toucher des régions d'Afrique et d'Asie du Pacifique. Au total, 2 milliards 600 millions de personnes pourraient être exposées au virus. Dans nos deux îles, l'épidémie a tendance à se calmer. Le nombre de cas reculé de 200 en Guadeloupe la semaine dernière. En Martinique, il a de nouveau augmenté, mais ce léger rebond ne pourrait être lié qu'à une augmentation du nombre de consultations à la rentrée. La Floride sous les eaux, la tempête Hermine a déversé des trombes d'eau sur le nord de la Floride. Cette nuit, de vastes zones sont inondées, les dégâts sont importants, mais fort heureusement, Hermine, qui poursuit sa route en remontant la côte américaine, a été rétrogradée au rang de tempête. La Floride craignait un ouragan, le premier depuis 11 ans. L'ouragan dans les Galaxy Note 7, le dernier Samsung savant, est suspendu pour l'instant. Le fabricant coréen a découvert en effet que certaines batteries explosaient Corée. Un coup dur pour Samsung qui espérait bien ainsi pouvoir concurrencer le dernier iPhone attendu dans quelques semaines. La Guadeloupe dope son image sur le marché nord-américain, plus 148% de progression sur ce marché touristique. La Guadeloupe en tête donc des destinations les plus demandées donc dans la zone américaine. On termine avec ce beau geste d'un gardien de foot, c'est le gardien italien Gianluigi Buffon. Hier, il est aussi capitaine de son équipe, un iconique gardien qui a réussi à faire taire les huées contre la Marseillaise hier avant le match amical contre la France, et il les a même transformés en applaudissements. Bravo à lui, la classe, disent les réseaux sociaux, d'autant que la France a battu l'Italie 3-0. 3-1, pardon. Et on va également applaudir Béatrice Van de Vaart en lui souhaitant un bon week-end. Merci. Profitez bien. 6h35. Alicia Keys dans les oreilles. On se réveille. 5h-9h. Les Antilles se lèvent du bon pied. Les Antilles se lèvent du bon pied. C'est le 5-9 énergie. Said I'd be gone by 5. But it's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. You stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. Nah, nah, nah, maybe later on I'll text you and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Get an eye on our supply and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. On va vous faire gagner des cadeaux dans le 5-9 Energy avec la question qui gratte la tête. Écoutez-la attentivement. 3 personnes sur 10 se sont déjà endormies à cet endroit. De quel endroit s'agit-il d'après vous? Mumu, une petite idée? Les transports en commun. Eh bien non, ce n'est pas la bonne réponse. Malheureusement. Appelez-nous 0825-825-696. les plus âgés. La fille la plus âgée, une teen intéressée par son sexe, on dit mon peuple plus âgé. Victime, ah bon, c'était quoi, deux, trois baisers volés, hein? Les affaires volées, nous voilà volés, hein? Fermez tous nos vœux dévoilés. Hey, hey, aurais-tu de quoi couvrir la mi-pole, hein? C'est là que me pointe une montagne de capote au lit. J'ai fait tchèp comme un 4-16 poli. Une, j'étais mort, et la mère, et moi marre de ton lit. Plus raffiné, plus douce et plus subtil. Selon moi, j'avais trouvé la fille encore immaculée. Avec respect, je patientais. Mais lors d'un rendez-vous à la gare de sa fille, je vois son ex-crime dit, elle sent mon lavalie. Un parfum que j'avais moi-même acheté. Moderne que tout quartier connaît. Je devais être ready. Je suis en ébat alors qu'elle se déshabille. Dans ses yeux l'offre débat, je suis ébahi. Elle me téma dans mes mathématiques. Me dit pas de panique, lâche les cinématiques. Sur l'instantané, je peux même pas imiter. Intimidé, je perdrai mon intimité dans la matinée. C'était à je ne sais quelle saison, environ 15-16 ans. Ému comme Pierre Sauzon, m'a traversé, j'étais aux anges. Malgré l'odeur du zoo, je marquais son corps de ma bouche en losange. En fond le son, j'étais pas gueuling, gros, distro, soumène. J'avais du mal à voir le gros, zizi, mais jouais le gros quand même. J'ai dégainé une fois, dégainé deux fois. Elle s'est mise à j'ai bien senti qu'elle me mentait. Menti, j'étais l'élu bien trop gentil. J'lisais pour scandaliser. Humilié, peut-être que j'ai dû trop gesticuler. Vu l'état de mes cellules après le déluge. Ben j'allais parler, ma tête s'allait. Frais, marée, j'avais peut-être jamais tapé. Je l'avoue que j'avais mes boules pour caler. Quelle malédiction salée. Moi-même j'hallucinais. Fallait me voir passer dans la classe vannée. Cette garce d'année, quand je vois l'âge qu'on avait, quelle belle année. Question qui gratte la tête dans le 5-9 sur Énergie. Eh oui, jusqu'au dernier cheveu. 6h42 sur Énergie. 3 personnes sur 10 se sont déjà endormies à cet endroit. Mumu a proposé tout à l'heure. J'ai proposé quoi déjà? Transport en commun. C'était pas ça. On prend nos auditeurs au 0825 825 696. Forcément, parmi nos auditeurs, il y en a un qui a la bonne réponse, je suppose. On commence avec Manon. Bonjour. Bonjour Manon, bonjour. Bienvenue à toi dans le 5-9. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Aux toilettes. Non Manon, malheureusement. Mais bien joué, bien tenté. On te souhaite une bonne journée Manon. Je m'attendais pas à celle-là. Allez, 0825 825 696. 3 personnes sur 10 se sont déjà endormies à cet endroit. Faites-nous vos propositions. Oui. On continue avec Malik. Bonjour Malik, bienvenue dans le 5-9, on t'écoute. J'avais proposé un vieux truc, mais là j'ai réfléchi, c'est vraiment l'expérience que j'ai dit au cinéma. Où ça? Au cinéma. Alors c'est bien un lieu fermé où il y a du monde, mais c'est pas un cinéma. Mais on s'en rapproche. Merci d'avoir participé. C'était pas la bonne réponse malheureusement. On peut encore prendre un auditeur. Allez hop, au 0825 825 696. Énergie, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour la gosse-voix, comment tu t'appelles? Ta radio. C'est Yuri. Ok, bienvenue Yuri. Fais-nous ta proposition, t'écoute. Je pense que c'est en boîte. Ah non, c'est pas un lieu où il y a du bruit malheureusement. C'est beaucoup plus calme. Mais si on n'a pas la bonne réponse, eh bien Allez, je vais être sympa sur ce coup-là, je vais la donner. Yuri, écoute bien. Et tu vas me dire si ça t'est déjà arrivé, c'est dans une salle d'attente, chez le médecin ou chez le dentiste. Ah ! Voilà. Tu sais, des fois, le temps est tellement long, tu dis, je vais prendre un magazine, tu lui commences à le lire. Mais tu t'es fatigué, tu sais, comme il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. C'est... En plus, la clim chez le médecin, ça t'endort, ça sent bon et tout. Donc tu t'endors. Et ben voilà. Mimu, ça t'est déjà arrivé, toi ? Mais pas du tout, devant les gens, t'imagines la honte ? Premier mensonge de la journée de Mimu. Bon réveil. Sur Energy dans le 5-9. Oui, oui, oui, oui, oui, les amis. En nous décoller, décoller, décoller. Il faut vite sortir du lit avec Mumu et Dimitri. En nous décoller, décoller, décoller. Dès le 5-9 sur Energy avec Mumu et Dimitri. Ah, bah oui, on est là. Dans un instant, un casque audio Bluetooth va tomber dans le si pas bien. Préparez-vous à nous appeler au 0825-825-696. Mumu prépare les cadeaux, elle vous attend au Standard Energy. Et pendant ce temps-là, on va écouter Cloud 5 avec No Behavior. Allez, bon réveil, à tout de suite. She's wrong. another good girl. Taurus Riley, le samedi 1er octobre, il revient à la Casa. La belle frappe, oh, qui finit sur la barre, et c'est Bob l'éponge qui tente de récupérer. Mais non, il la prend en plein visage. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et c'est au tour d'Ethan Hunt qui s'enfuit déjà avec le ballon à moto. Mais il chute, et la balle revient à Tsonga qui réalise un magnifique coup droit. Le divertissement ne s'arrête jamais avec les offres Canal+. Et en ce moment, pour tout nouvel abonnement de 12 mois, la formule Librement est à 19 euros par mois pendant 4 mois maximum, puis 24,90 euros par mois. Voir l'ensemble des conditions sur canalplus-caraïbes.com. Pour la rentrée, Digicel n'a pas fait les choses à moitié. Tous vos forfaits Digicel sont à moitié prix pendant 2 mois. Que diriez-vous d'un forfait no limite 1 heure à 8,50 euros pendant 2 mois? Rendez-vous vite dans votre boutique Digicel. En ce moment, le nouvel Alcatel Pop 4 Plus, avec son grand écran 5,5 pouces, est à 29 euros. Et le nouveau Wecolini 3 est offert. Vivons l'extraordinaire. Digicel. Offre valable jusqu'au 2 octobre 2016. Remise appliquée sur le montant des deux premiers mois de forfait. Prix des mobiles dans le cadre d'une offre portabilité, durée d'engagement minimum de 12 mois. Voir conditions en point de vente. Écoutez Énergie Antilles, première radio musicale. Demain soir, 20h, Énergie Antilles a réuni pour vous les meilleurs DJ de la Caraïbe. Énergie Master Mix, DJ Greg, Mr. Joe, Oui Oui, Rise Up Sound, Zap Vibes, Gold, Boofy. 9h de mix, non-stop. Énergie Master Mix, la référence du mix. Énergie. Numéro 1 sur les DJ. Jusqu'à 9h. C'est le 5-9 sur Énergie. Yo yo. This is the biggest collab. Want a man to walk her, when he throw jam, maximum slammer. So I hold like girl on the corner. And I dress up like Hunter. Say she wants a man to walk her. Only Trojan, maximum slammer. When we touch down, you won't play shell long. When we touch down, you won't play shell long. When we touch down, you won't play shell long. When we touch down, you won't play shell long. When you see we Juve morning, all we do is chip, chip. Behind the truck Juve morning, we black and we greasy. All a girl inside a van, make she bend and stick. She jab like we don't give a damn. We mad and we sick, sick. When we touch down, you won't play shell long. When we touch down, you won't play shell long. When we touch down, you won't play shell long. When we touch down, you won't play shell long. Du monde. Seras-tu à la hauteur ? Eh ben, je l'espère, hein, parce que à 6h55, là, tout de suite, on a un casque audio Bluetooth à vous offrir. Voilà, vous pourrez l'emmener partout avec vous. Ça se gagne maintenant au 0825 825 696 dans le C'est pas bien, donc, qui est de retour. Et il faut respecter quand même les règles du C'est pas bien, répondre assez rapidement dans les deux secondes, ne pas répéter le même mot ou la même phrase. Attention, et surtout, ne pas prononcer ni si, ni pas, ni bien. Ni pas, ni bien. On y va les amis. C'est parti Mumu. On est fouache sur la chose. Tu commences ou je commence? On va aller, tu commences. Énergie, bonjour. Bonjour. Ça va bien? C'est ok, et toi? Moi ça va super, tu fais quoi aujourd'hui? J'avais prévu d'aller travailler, mais j'hésite encore. Pourquoi? La rentrée, on n'a pas envie de rentrer. On n'a pas envie de rentrer. Rentrer deux fois, malheureusement. Merci d'avoir joué avec nous. Bonne journée à toi. Au revoir. À très bientôt. 0825 825 696, vous nous appelez pour le C'est pas bien et pour gagner le casque audio Bluetooth. Venez vous tester un peu pour voir si Croazot bon. Mais oui, pourquoi pas. Hello, j'ai bonjour. Hello, j'ai bonjour. Oh. Bonjour, comment tu t'appelles? Ça va, c'est Muriel. Allô, bonjour, j'entends pas bien. Bonjour. Muriel, c'est Muriel. Bonjour. Trois fois Muriel. Quel exploit, trois fois Muriel, Lily. Je t'ai piégé, Muriel, j'avais bien entendu, mais je t'ai fait répéter exprès. Oui. Muriel, bonne journée, merci d'être passé. Au suivant, 0825 825 696, c'est pour toi, Mumu, c'est le dernier. Voilà, t'as ce que Dieu bonjour. Non, je crois que ça bug, là, ça bug. T'inquiète, c'est normal, trop d'appels. Faut pas. Énergie, bonjour. Faut prendre la bonne ligne. Allô. Anna. Ça a coupé. Je te laisse 30 secondes. Oh. Voilà, casque audio Bluetooth qui tombe toute la semaine. Énergie, bonjour. Attention. Énergie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Ah, mais ma fille, ah, ben, bisous, bye. Faut pas prononcer ni si, ni pas, ni bien. Elle nous dit très bien. Ah, bah écoute, t'as tout le week-end pour t'entraîner. Ok, bye. Ok. En fait, c'est Jacouille la fripouille qui vient de nous appeler, en fait. Le mec des visiteurs. Voilà, bah écoute, super content de savoir que des stars, des acteurs de cinéma nous écoutent. Voici ça, et on écoute Mamaé avant 7h sur NRJ. La peine nous chamaillé, c'est bon ça la filaillé. Maman ou mamaillé, mais après fait l'enfer qu'elle nous maillé. Million dix mélodies pour chawailler. Tous les jours faut batailler. Dans la vie faut partager. Ils veulent l'océan mais savent pas nager. Yeah. I need you, I need you. J'comprends même pas pourquoi tu doutes. I need you, I need you. J't'imaginais pas aussi douce. I feel you, I feel you. Tous les soirs tu m'appelleras à ta rescousse. I feel you, I feel you. C'est qu'on sait nous voyons papa à chaque pas. La semaine à nous par contact. Et chaque main à chaque passe. Problème non détecté. Après nous, pas ni contraste. Pas ni contraste. Les visions incorrectées. Snap, chat, Facebook, Insta. Donc c'est pour que ça. A pas même ni doigts connectés. Si quelqu'un te veut du mal, dis-moi baby, beau maillé. Et quand la douleur fait mal, il vaut mieux la noyer. Et confiance en moi du jour au lendemain, je vais pas tailler. Tant de fois j'ai déjà côtoyé. Et à mes. noche la vi. Oh oui, oh mama, yeah. On donne nos panis vis-à-vis. Donc nous pas mis un pont à vide. Les bouts aussi nous qu'à sauter à vide. Oh oui, oh mama, yeah. Effacer toutes cicatrices. La tête dans les étoiles. N'écoute pas, ça m'est égal. Malgré tes groupes idéales. La route tourne dans le pire des cas. J't'école, j't'égale. Mais la mise à combien est égale. Obligé d'arrêter mes bails. C'est le revers de la médaille. Et à mais I need you, j'comprends même pas pourquoi tu doutes. I need you, j't'imaginais pas aussi douce. I feel you, tous les soirs tu m'appelleras à ta rescousse. I feel you, yeah. MyCanal, tous vos programmes Canal+, Canal Sat sur PC, tablette, smartphone. Allez, bienvenue tout le monde, il est 7h01, on est vendredi 2 septembre et toute l'équipe du 5-9 vous dit bonjour. Bonjour. Et c'est la rentrée qui continue pour vous. Bon courage. Et dans un instant, le deuxième indice du tiers CEOP qui vous permettra de gagner 100 euros cash ce matin. Voici Ketchup. Shot. Shorty wanna rock, shorty wanna ketchup make you give me back a yeah. Bam bam banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam bam bam banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam bam bam banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam bam bam banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam. Shorty gave me this, she call me red and miss sleeping with a girl next door. See me, she says she no go mind. Boy, would you give me some? Give me some more. Shorty gave me then she called me red and sleeping with a girl next door. And when she came, she says she no go mind. Boy, would you give me some? Give me some. She says she wanna bounce to the naira and the dollar and the pounce. See ma, see she says she wanna bounce to the naira and the dollar and the pounce. See, this girl know they use me ton ton because I like a picky bum bum. This girl that they kiss me ton ton. She says she wanna give me some. These girls, they never trouble no one. Cause if you trouble this girl, Bobby, see what? Shorty gave me then she call me red and miss sleeping with a girl next door. And when she see me, she says she no go mind. Boy, would you give me some? Give me some more. Shorty gave me then she call me red and miss sleeping with a girl next door. She came, she said she no go mind. Boy, would you give me some? Give me some. So we start to bam bam banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam bam bam banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam bam bam banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam bam bam banana bam banana banana bam bam banana bam banana. Shorty wanna rock, shorty wanna ketchup make you give me back shot. Shorty wanna rock, shorty wanna ketchup make you give me back a yeah. Shorty gave me then she call me red and miss sleeping with a girl next door. And when she see me she says she no go mind. Boy would you give me some? Give me some more. Shorty gave me then she call me red and miss sleeping with a girl next door. And when she came she says she no go mind. Boy would you give me some? Give me some more. Allez, bon courage pour cette nouvelle journée, c'est vendredi, le week-end n'est pas loin. Et ce matin encore, on vous offre 100 euros cash dans le tiers CIOP. Il faudra avoir tout à l'heure à 8h35 les 3 indices. Et attention, c'est l'heure... Le CashIOP, indice parfum numéro 2. Eh oui, et c'est Mumu qui vous le donne. Pêche-poire, yop, pêche-poire. Voici Taïga sur Énergie, bienvenue. You my only one. You my number one. You're one of one. I wanna go one on one with you. One on one. And I want you to want me too. You're one on one. I wanna go one on one with you. Back to the front with you. Don't let them make you regret it. They'll be fake if you let them. Don't let them make less out of something that means so much to you. I wanna make you feel comfortable. Girl, you know I f*** with you. Like summer school and Lunchables. We the untouchable, yeah. You don't have to suffer, no, yeah. I was made custom for you. Only give my love into you. You my only one. You my number one. You're one on one. I wanna go one on one with you. One on one. And I want you to want me too. You're one on one. I wanna go one on one with you. Take the thug in me and put some in you. Now you wearing bandanas, rocking your man's flannels. Flight to Dubai, gotta pop a Xanax. Me no love for them body boy antics. Gonna make me you pour choppers out the attic. I'm a savage, straight savage. Yeah, they laughed at my dreams of living lavish. Be no pretender, we both remember. All these was ghosts before I had the phantom. Before I had the gram, I couldn't get at them. Before I rock rings like Saturn. They ain't wanna hang out when I try to plan it. That's why I give all I have to you. Then I know I got the juice. Then I know. Then I know I touch money like masseuse. Then I was made custom for you. Only give my love into you. You're my only one. You're one on one. I wanna go one on one with you. One on one. You're one on one. I wanna go one on one with you. Back to the front with you. Yeah, grind and bond with you. You're one on one. I wanna go one on one with you. Back to the front with you. Don't have to front, it's true, yeah. You're one on one. I wanna go one on one with you. One on one with you. One on one. And I want you to want me too. I wanna go one on one with you. Énergie, 5h-9h. Tim et Mumu. Il est 7h08. Bienvenue, bon réveil à vous. Bon courage pour ce vendredi 2 septembre. Ne la... Regardez pas comme ça. Ne pensez pas que c'est une enfant de cœur, Mumu. Hein. Ah non, si. Non. Je suis une enfant de cœur. Alors hier, quand je suis rentré dans le studio, t'étais au téléphone. Et qu'est-ce que t'étais en train de faire, Mumu? Hier? Elle faisait pas l'amour au téléphone, je vous rassure tout de suite. J'ai appelé un monsieur, c'est ça? Oui, et je lui ai posé des questions. Inutiles. Ah d'accord. Comment ne pas voir? Mais c'est bon. Le sondage inutile du 5-9 sur Énergie. Ça nous fait un dossier, t'inquiète. Bonjour, c'est Mumu de l'Institut du sondage inutile. Auriez-vous une minute à m'accorder, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup, on y va. La première poupée Barbie était la femme de quel pharaon? Il me semble que c'est César. Bonne réponse. Ensuite, citez-moi une marque qui commercialise du rhum en poudre, c'est nouveau. Machin. Oui, c'est bien ça. Enfin, d'après vous, la sirène d'une voiture de police fait... Le 5-9. Ils ont un forfait humour illimité tous les matins sur Énergie. Sur Énergie. Ce monsieur est demandé à l'entrée de la classe de CP, s'il vous plaît. Il a tout à refaire. Allez, Charlie Black. Et dans un instant, on vous redonnera l'indice numéro 2 du cash. Yop. flip it like a flipogram, flip it like a flipogram. Make your bumper flip like a flipogram, flip it like a flipogram, flip it like a flipogram. Y'all wind up on my body, girl. Why like it's a carnival? Girl, me love the way you wind for me. Girl, your wine is so emotional. So wind up on my body, girl. Me want you come wind your waistline for me. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby. Girl, you a party animal. Girl, you active, no, you no lazy. Girl, you a party animal. To own your wine, you drive me crazy. Girl, you a party animal. You wine so good, you dress so good. Girl, me love how you party. She take one shot, two shot, three shot, four. After 9 minutes, she come back for more. She take off the shoes and pound the dance floor. Then she start to broke out, broke out like a sword. Then she approach me just like a cure. Me know that so she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Girl, I you me a door, so fine up on my body, girl. Wild up like a carnival. Girl, me love the way you wine for me. Girl, the wine is so emotional. So wind up on my body, girl. Me while you come wine your waistline for me. Baby, you're bubbling and bubbling and bubbling, baby. Girl, you a party animal. To own your wine, you drive me crazy. Fou, y'a l'eau tellement belle. belle ou ça bien qu'on peut pas dire non. Ni on celle qu'on voit qui manie habilement. A donc cellule, en mode bon acquittement. Elle veut un coup de zèle, en veut éloigner au con papillon. Oui, regarde au magique, oui, ou c'est une mauvaise machine. Mais nous on veut pas rêver une relation réelle, qu'est-ce t'imagines? Oui, ça qui est tragique, oui, on qui mal vivre. Mais nous on pas un gamin qui est taillé si on t'a dit. On veut pas bête fou tout, yeah. Alors tout doucement, tout, on laisse tout moi aller pour. On veut pas perdre fou, tout, yeah. Alors tout doucement, tout, on laisse des une forme pour vous. Baby, on veut pas qu'elle vous flex, jouer à la meuf complexe. C'est pas World Café nous vex, c'est caressé quand on s'en texte. Moi, mais vous serrez, yeah, yeah. Toutou, mais à voir dans ton moi, pour mettre moi en confiance. Le verre à chute en moi, tous les dés en silence. En laissant le robot moi glisser, quand on m'a allongé. Tous les dégâts pour plaisir, fait quand on m'a vibré. M'en vais pas pète fou, tout, yeah. Alors tout doucement, tout, en laissant quand moi aller pour. M'en vais pas pète fou, tout, yeah. Alors tout doucement, niveau galant, t'es un psychopathe. T'es qu'à manger les pigorates. Picho qui n'est pas de pigoman. Capote coloré, copio, man. Là-bas, ok, moi, y'a pas rigolade. Ou qu'a fait en la simosade. Arrête tes flex, c'est vrai, sirotage. Pour rester là, pas fait sabotage. Ou qu'a bon, mais tellement qu'un cas trouvé, restant là, pas tant. Mais nous, qu'a parlé franchement galant, pégé, attendre qu'on est 30 ans. En vélo, faut entièrement, et en fait pas question, suis-je attention. Même j'en ai pas souhaité, pour tout la restant, en qui fait attention. Allez, bienvenue sur Allergy. Avec nous ce matin, il y a une auditrice qui s'appelle Sabrina. Elle est charmante comme tout. Sabrina, tu fais la cuisine, c'est ça? Oui. Et tu es aussi douée pour le chant, apparemment. Vas-y, fais-moi. Elle était en train de fredonner. Allez, vas-y. Papéo, vas-y, on t'accompagne. Ou pas. On peut pas faire faux tout. Ah, je fonds. Elle est timide. Je commence à fondre. Eh ben, elle est douée, hein. Ah ouais. Non, mais c'est dingue. Donc, tu fais la cuisine, tu es dans la restauration. Oui. Et ce matin, tu nous as ramené des petits pâtés salés. Poulet. Oui. Alors, je tiens à signaler que parfois je vais acheter des pâtés dans des endroits, les gens me donnent des pâtés aromatisés au poulet. C'est-à-dire, t'as pas. Qui cherche le poulet, bien voilà, qui voit pas. Il y a l'odeur, hein. Il y a le. Un petit goût. Quand même. Tu n'es pas de ceux-là, Sabrina, non? Non. Mais goûte fort. Tu fous le poulet. Fous le poulet. Je fais avec amour. Ah, c'est bon ça, c'est bon, c'est bon. Ça change tout. Ah, ben voilà. Eh ben dis donc, le poulet, on te voit plus dans les pâtés. Pour certains, c'est ça, je crois. Allez, on se fait Tikamji et Stony dans un instant. Mais juste le temps de rappeler l'indice numéro 2 du tiercé Yop, c'était. Yop. Yop pêche poire. Exactement. Ça fait deux fois qu'on vous le dit. Hein. La prochaine fois, c'est l'indice numéro 3. C'est tout à l'heure à 8h05. Allez, restez là. Les bons hits d'énergie, ça arrive très vite. Yop vous offre chaque jour 100 euros cash dans le 5-9 énergie. Oui, oui, vous avez bien entendu. 100 euros cash garantis tous les jours. Écoutez bien le 5-9 énergie. Notez les indices parfums gagnants du jour. Vous avez le tiercé gagnant des parfums Yop. Vous gagnez 100 euros cash. Et c'est comme ça tous les jours sur énergie. La belle frappe. Oh, qui finit sur la barre. Et c'est Bob l'éponge qui tente de récupérer. Mais non, il la prend en plein visage. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et c'est au tour des Dan Hunt qui s'enfuit déjà avec le ballon à moto. Mais il chute. Et la balle revient à Tsonga qui réalise un magnifique coup droit. Le divertissement ne s'arrête jamais avec les offres Canal+. Et en ce moment, pour tout nouvel abonnement de 12 mois, la formule Librement est à 19 euros par mois pendant 4 mois maximum, puis 24,90 euros par mois. Voir l'ensemble des conditions sur canalplus-caraïbes.com. Paré pour la rentrée, t'inquiète ça va aller. À condition de te procurer le forfait sapé by SFR. T'as SMS illimité et une heure pour appeler. Tu peux même surfer avec 500 mégaoctets. À partir de 9,99€ par mois pendant 6 mois, plus 14,99€. c'était toi, je n'hésiterai pas. Eh ouais, c'est nouveau et c'est posé. Forfait, ça peut pas essayer faire, ça le fait. Offre soumise à condition jusqu'au 28 septembre. Prix sans mobile avec engagement 24 mois. Détails et restrictions en boutique SFR. Bail signifie par. James Bond, Mr. and Mrs. Smith et Jason Bourne n'étaient pas disponibles. Alors pour sauver le monde, il ne reste plus que... J'ai un plan. Ça pourrait peut-être nous tuer tous les deux, mais dis-toi que si ça passe, on va devenir de vraies légendes. C'est cool. Non, ça a rien de cool. Dwayne Johnson, Kevin Hart, agent presque secret. Cet été, on sort les gros calibres. Agent presque secret, actuellement au cinéma. Plus de 3 millions de fans. Énergie numéro 1 sur Facebook. Tous les dimanches, 17h-19h. C'est Beach Party sur Énergie. Grosse ambiance caribéenne. DJ Oui Oui. VG Ben. 2 heures de mix pour boucler ton week-end en mode fiesta. Énergie Beach Party. Ce dimanche, 17h-19h. Sur Énergie Antilles. Jusqu'à 9h. 759 sur Énergie. Ou ban mwen love an barikade mwen an ba oken plein wash pou an pa dormi ou wow. An savouen men mwen kon patini men love an patini petèt an kon yo tout. E depi tou jen mwen an fè ou promes an rentre an problem la pe ma ke si leva ou. Mwen te tro jen pou si pote sa ou te mwen chanje ba ou kalage mwen. Vie mes fin pas chahi mwen. Sans mi au fond comprendre quand pas rien de bon. Sou pas t'écouter parole à intel. Peut-être jodi jour nous t'es ensemble. Tous les deux nous fait chemin. Jod la nous pas rien encore. En espérant qu'en rouvreur. En pas même moun la encore. Et si ça vraiment fin. Tout au moins mes women. Hier matin nous t'es complice. C'est les vents qu'a abandonné, girl. On veut pas faire souffrir. Mais les pas la vie non randonnée. Donc, on qu'a laissé la faire. On qu'a songé ou avant dormir. Et on jusqu'à rêver d'elle. Avant ou partir, espérer qu'on puisse prendre soin d'elle. Et si ça vraiment fin, tout au moins, mais quand même. Hier matin, nous t'es complice. Chaude là nous pas rien. Nous t'es trop jeune, ça anéantit nous. Nous briser nous tout l'été. Nous t'es trop jeune, ça anéantit nous. Nous battre ça, ça nous verrait. Les insolites du 5-9 sur Énergie. 7h24, c'est le moment, comme tous les matins, de retrouver Mumu. L'insolite d'aujourd'hui se nomme Thomas Beatty. Beati Bidi. Mm-hmm. Il a épousé une femme qui, malheureusement, ne pouvait pas avoir d'enfant. Oui, alors, pas de problème. Tu sais quoi ? Thomas, il a décidé de porter les enfants. Attends, alors, je t'explique. C'est un mec ? Thomas, le monsieur, a décidé donc d'avoir dans son ventre les enfants et d'accoucher de ses enfants, car ils en ont eu 3 au final. Oui, Thomas a eu 3 enfants. Attends, le mec, il a été faire la fête avec les amis, il a un peu trop mangé, hein ? Il essaie de trouver une excuse, là. Pour son gros ventre. Thomas, en fait... Thomas, en fait... Sport. 42 ans. Il y a des salles de sport pour ça, monsieur, pour baisser la ventre. C'est pas ça, non, Dimitri ? Ah, d'accord. Ne sois pas peur. 42 ans avant, en fait, Thomas est né sous un autre prénom, sous le prénom de Tracy. Il est né à Hawaï en tant que femme. Voilà le pourquoi du comment. Ah, donc en fait, il, en apparence, c'est un homme. En dessous, c'est une femme. Voilà. Et à l'intérieur, c'est une femme aussi. Voilà. Voilà. Il n'avait pas encore fini sa transformation. Il n'avait pas été au bout de la transformation. Et quand il a appris que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant, il a assumé complètement d'être en apparence un homme. Mais voilà, de porter ses enfants. Et voilà, il a eu 3 magnifiques enfants. Regardez ça là. Je suis en train de regarder l'échographie là. Ah, je suis en train de... la tête. Hein. Attends, je regarde le bébé. C'est bizarre, on dirait un Pokémon. Il a un Pokémon dans son ventre. Comment il est arrivé là, je sais pas. Je vous laisse imaginer. Bon, bref. Voici Section d'Assaut. Maître Gims, merci Mumu pour cette bonne info insolite. Et on salue Monsieur Thomas Bitty. Voici Désolé. 7h26. J'ai préféré partir et m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolé. La conseillère m'a clairement négligé. Et moi, comme un teubé, j'ai dit ok. Et tous les jours, je pense à arrêter. Les gens veulent faire de moi une entité. Je vais tout plaquer. Je ne suis qu'un homme, je vais finir par clamser. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Moi aussi, les frères, je vais me barrer. Rejoindre tous les miens, les dingaris. Paris c'est Alcatraz, marre des amendes et tous ces tas de paperasses. Leur cœur est noir et fin comme un Sénégalais. À les entendre on croirait que saigner fallait. Moi je veux ma femme, mon dîner, mes gosses. Pour ça crois-moi j'emploierai bien toutes mes forces. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Pardonne ma grand-mère, s'il te plaît. J'serais revenu te voir si j'avais plus de blé. Mais t'sais, ici non plus, c'est pas facile. En France, la reste nous met des bafoussés. Désolé aux profs de maths, d'anglais et de français. Vous inquiétez pas, mon père m'a bien défoncé. Désolé, monsieur le banquier. Mais si je m'arrache, vous allez pas me manquer. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Maman, papa, je vous dis on diarama. Je sais que dans vos têtes, vous êtes déjà là-bas. J'ai beau dire que je l'aimais, j'ai pas la foi. J'ai fait le congé, commencé par la fin. J'aurais pas dû me lancer dans la musique étant petit. T'écouter papa étant petit. Je me sens coupable quand je vois ce que vous a fait ce pays coupable. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. The bed. it right before the lights up. Put on the pleasure when nobody is calling. I make our face light up. I get the riffs from just home and performing. She know I got the right touch. And she no stop request me daily. My one and only lady, cause lately she knows her. I understand the body language you're speaking. That physical attraction. The little things you do, your temperature peaking. I'm loving your dimensions. They put together now the beauty revealing. You captured my attention. Cause girl, you got the real thing that on my bending knee thing. My feelings are so sure. You got, you got sunshine and the flowers. Jealous of the power of you. Force it, our love continue growing. Keep it spontaneous, cause our thing is never boring. Cause every night, girl, it's your body I'm exploring. I'm knowing just what you need to keep you glowing. It's like a river, girl, your body's ever flowing. I'm genuine in everything that I'm showing. Girl, I'll protect you from the rain, my heart is pouring. I'm knowing. You got terrible days, I know you could find somebody better. Yeah. I'm like a charity case. Am I deserving of you? No, never. Now it's about the way you smile at me. Tell me that I make you happy. But no sleep, ooh girl, ooh girl. Body like a blessing, say amen when you undress in front of me. Ooh-wee, ooh-wee, I would happily call you the better half of me. And it's you girl, you girl. Sunshine and the flowers, jealous of the power of you girl, you girl. Reason in my heart, baby, hit the bed, but no sleep. C'est excellent. Il y aura du Warped là tout à l'heure sur Énergie. Et pour l'heure, tout le monde est réuni dans le studio pour recevoir Christophe Langlois. Voici les infos sur Énergie. On est vendredi 2 septembre. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes et à tous dans nos deux îles. Après la Martinique hier, autour des élèves de Guadeloupe de rentrer à l'école, le narcotrafiquant présumé qui avait pris la fuite à Ducos a finalement été interpellé hier en fin de journée. La météo, profitez du soleil ou de l'absence de pluie ce vendredi en Guadeloupe ou en Martinique. Parce que quoi? Parce que le week-end, eh bien, il s'annonce plutôt maussade, voire carrément orageux et pluvieux. Température pour aujourd'hui, 32 à Fort-de-France, 31 à Pointe-à-Pitre. 100 000, c'est le nombre d'élèves attendus dans les écoles. Alors bien évidemment, tout ce petit monde ne va pas effectuer sa rentrée aujourd'hui. Ça va s'étaler dans le temps tout au long de la semaine prochaine. Du coup, eh bien, il faut encore profiter de l'accalmie sur les routes de Guadeloupe. En Martinique, la rentrée, elle, s'est effectuée hier. Et le niveau de vigilance est relevé dans et aux abords des établissements scolaires. Vous le savez, une présence accrue des forces de l'ordre qui devrait permettre de sécuriser les lieux. Le narcotrafiquant présumé qui avait pris la fuite à Ducos a finalement été interpellé hier en fin de journée. Hier, au volant d'un gros 4x4, il avait engagé une course-poursuite avec les gendarmes avant de finir sa course dans la clôture d'une maison. Sa passagère avait alors été interpellée, mais le chauffard avait réussi à échapper aux gendarmes. Toujours en Martinique, une maison a entièrement brûlé hier à Sainte-Luce. Le feu a pris vers 17h dans cette maison d'environ 200 mètres carrés, non loin de la forêt de Montravail. Il semble qu'elle était inoccupée au moment du sinistre. Mais on ignore l'origine. Un petit point Zika pour vous dire que la situation en Guadeloupe semble baisser, diminuer. 200 cas de moins en l'espace d'une semaine. Ça fait plus de 2 mois maintenant que l'épidémie est en nette diminution. Mais le Zika pourrait toucher le tiers de l'humanité. Une information qui est sortie Ce matin, ce sont des chercheurs britanniques qui l'affirment. Outre les Amériques, où il a déjà fait plus d'un million et demi de malades, le moustique qui véhicule le Zika risque de toucher les populations d'Afrique, d'Asie et du Pacifique. Rien que ça, il y avait du football hier après-midi, on vous en parlait. Un certain Italie-France, il était alléchant. Eh bien, ça s'est bien passé pour l'équipe de France qui s'est imposée sans coup férir sur le score de 3-1 avec deux buts d'Antillais, de Guadeloupéens, hein, à savoir Anthony Martial et Kurzawa. Le score 3-1 de bon augure avant le déplacement des Français en Biélorussie. Ce sera le premier match dès les éliminatoires pour la Coupe du Monde qui aura lieu, on vous le rappelle, en 2018. En Russie, on a le temps, mais il faut bien débuter pour essayer de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Sinon, ce sera un véritable échec. Exactement. Et bien pour les Bleus, ça y est, la main sur le ballon. Ah, le pied sur le ballon. T'es arrivé. Oh là là. Voilà, vous comprenez pourquoi Mumu n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps. Et pourquoi il va faire mauvais tout le week-end. Bon week-end à Christophe Langlois. Il est 7h35. C'est l'énergie Antilles. 5h-9h. Les Antilles se lèvent du bon pied. Les Antilles se lèvent du bon pied. C'est le 5-9 Énergie. A Squad Life Production. Scoré Pauvé. C'était pour toujours. Nous passer l'année galère, péripétie, et pourtant, forme un seul coup. Ou décider qu'elle aimait tout seul. Jalousie, amour, n'est pas mauvais conseil. Fait qu'un bras, on doit chercher confort. Mais non, doudou. Ni vous, ni moi, pas y'a dans sens à tout ça, que nous t'es promet nous. En faire la paix, nous faire pleurer. Sous garçon, j'aime toujours. Allez, nous capables de croiser, nous sans même y'en envie de dire l'autre bonjour. Est-ce qu'on a manqué au love tout seul? Si vous voulez que depuis nous laisser au plus belle, si vous trouvez bonheur, vous m'en c'est l'essentiel. Pas sans doute. Ni vous ni moi, pas y'a dans son sens, tout ça, que nous t'es promet nous. En faire la paix, nous faire pleurer, en faire souffrir, bref, nous déchirer. Ça vous a oublié, moi qu'à supposer que vous faites vie à vous. Et le simple fait d'imaginer que des lèvres ou qu'à faire l'amour. Et veille, on doit dire, moi, ça qu'à chouiller, moi. Moi, des rois, la mort. Non, doudou. Ni vous, ni moi, pas y'a dans sens à tout ça, que nous t'es promet nous. En faire la peine, nous faire blé, en faire souffler, bref, nous. Mais c'est qui en tient moi, je dis vous, en pas moins en vous. Oui, doudou. Quand ça vous a oublié, moi, quand si posé, je vais faire vie à vous. Il est préféré d'imaginer que des lèvres ou qu'à faire l'amour. Et veille, on doit dire moi, ça va jouer moi. Moi, les rois, découvert en premier sur Énergie Warped, 7h39. Tous les matins, le 5-9 vous offre sa tournée de bonne humeur de 5h à 9h sur Énergie. Eh, le temps passe vite, hein. Dans moins d'une heure, qu'est-ce qui va se passer sur Énergie, Mumu ?

Mais non, Dimitri, t'inquiète. On avait compris que tu faisais partie d'Al-Qaïda. Mais en fait, tu vois, c'est toi qui portes la burqa. Le défouloir du peuple dans le 5-9 sur Énergie. Natalie said, he said, she said, she keep it true. But a good thing my name fool. Come on, I almost believe it. No, my seat said, Natalie did a pre-med. So I'll win. I guess them just a try to find a way fi give me to. No, no for them just want fi climb up on the pinnacle. Them just want fi that me the child them want fi pin it to. Them say that to every man you give it to. When where them see your body them a see me to. When them a watch and chat you not a thing it do to me. Cause me no listen me no left you all pain. You have ten man. Me a fi believing. Me never ask them fi watch your body fi me that. So that pardon I go damage you. But if you give away the loving me malice yo. Wonder where them your money have with you. Make them a watch your body. So make them a gala like them a your daddy so. Them see your brother, them say man with you. I know me you say that them see your uncle Sam with you. Them call your name on every man in the planet oh. But me not listen, me not left you all. When you have ten man, me a fee believing. Me never ask them fi watch your body fi me that me a tell. Watch your face, you know, that you want here to, you know. Me a fi believe it. Me never ask them fi watch your body fi me that. Me a tell them all when them say six man got it. Guess who makes seven? Can your body still feel right? Me feel like say me taking heaven. Yeah. Bienvenue sur Energy, 7h47, les amis. Mumu est en train de nous faire un bon petit jus de fruits pour bien attaquer la journée. J'espère que vous en avez fait de même. Hein. Voilà, Mumu pourra peut-être vous filer au passage quelques recettes. Hein, pourquoi pas ? Ananas, mangue. C'est les bons fruits du jardin. Par contre, l'œuf que tu as mis dedans là, c'est un peu bizarre quand même. Ah, tu l'as vu ? Je sais que ah, tout mince, est bio. C'était pour bon, toi. Ouais, c'est, enfin bref, c'est là là. Vas-y là là, pas gaffe. Mumu a ramené son blender, vous l'avez compris. Voilà, le blender est branché. Voilà, il fonctionne bien apparemment. Et on va mettre un hit dans ce blender. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme hit ? Tiens, je vais prendre celui-là. Ouais. J'ai envie de le mettre dedans. Alors, vous reconnaissez le hit que je mets dans le blender de Mumu. Vas-y, Mumu, appuie sur le bouton là pour voir ça. Alors. Je sais ! C'est vrai ? Oui, j'ai reconnu. Je le repasse juste une fois comme ça, pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Vas-y. Voilà. C'est censé être très facile, Mumu même a reconnu. Si vous l'avez deviné, 0825 825 696. On s'entendait. Mais non. J'ai pas dit ça, c'est toi qui l'as dit. Tu l'as dit avant moi, c'est tout. Eh non, Mumu, on te fait des gros bisous. Allez, calage pour la suite de Moït, juste avant de vous offrir des cadeaux dans le 5-9. A tout de suite. Viens te connecter ce soir dès 19h sur Énergie Antilles.

société. Mal orienté, devenu grand dans cette société. Smooth Hit du 5-9 sur Énergie. Un smoothie à base de hit. Voilà, et encore un jeu qui vous permet de repartir avec les cadeaux du 5-9 ce matin. Voici le hit qu'on a mis dans le blender. C'est le hit à reconnaître dans ce smoothie. Voilà, le blender c'est celui de Mumu. Hein. C'est ça. Hein. Tu l'as acheté où? Laisse-moi tranquille. Hein. Non, parce qu'on a un auditeur qui s'appelle Ben qui nous a appelé, il nous a dit ça, ça sent le blender made in China. Et t'as dit que ça sera un blender par mois qu'il faudra acheter si tu veux faire toute la saison. Ben Mankego, le Watson. Allez, vous l'avez reconnu, ce hit qu'on a mis dedans. 0825-825-696. C'est parti, ma mumu. Et là, on a Cassie au téléphone. Attends, non, c'est les hits qu'on met dans le blender et pas les auditeurs, ma mumu. Écoute ça un peu. J'ai dit, on a. Qu'est-ce que c'est fort. Assume, hein, ton vas-y, téléphone vas-y, mal. Comment il s'appelle? Kessy. Vas-y, parle un peu, Kessy. On a passé son rire dans le monde, c'est cool. Alors, tu as reconnu la chanson ou pas, Kiki? Colonel Riel. C'est bien celui. Si, celui-là, c'est lui. Bravo à toi, Kessy. Bon. Eh ben de rien, c'est comme ça que ça se passe. On est tous contents. Cadeau pour toi et passe un bon week-end. Ouais. Voilà. Voici Karine et Many Touch dans le 5-9. Seul à vivre notre amour, dis-toi, tu ne le vois pas. Je suis fatiguée d'être ta roue de secours. Je ne peux plus vivre comme ça. Tu m'appelles que pour faire l'amour. Je suis pas une dingue déjà. Si je pars, je ne peux plus demi-tour. Alors s'il te plaît, dis-moi. Sont ces moments où j'ai des tableaux magiques. Je perds mon cœur sans toi, moi. J'ai tout misé sur toi, moi. En mode saoulé quand tu fais le MG. Mais me respecter, c'est te respecter. Mon cœur se bat dans tous les sens. Si le tien est en guerre, on n'a aucune chance.

you take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Cashiop Energy. Vous avez le tiercé gagnant, vous gagnez 100 euros cash dans le Morning Energy. Eh ouais, et je vois Marvin qui fait les grands yeux, c'est la somme qu'on va vous offrir tout à l'heure à 8h35. Marvin est là dans le studio, il y a aussi Nestlé qui nous a rejoint et on applaudit tout ce petit monde bien fort. Alors Marvin, on sait tous évidemment ce qu'il chante. Ouais. Hein, Marvin, on le sait. Peut-être pas, je sais pas. Ah ouais, allez, écoute un petit peu la voix de Marvin. Alors, j'aurais aimé, je te jure, j'aurais aimé. Et Nestlé qui chante aussi. Yes, we did it. Voilà, là, c'est sa vraie voix sans les arguments. Ouais. Eh ben, on est super contents de vous avoir tous les deux. Et l'indice Yop numéro 3 vous permettra de rajouter donc eh bien un indice aux deux précédents qu'on a déjà donnés. Attention, c'est Mumu qui va donner cet indice numéro 3. Le Cashiop, indice parfum numéro 3. Vas-y, fais voir. Mangue. Ah ouais. Yop, Yop mangue. À rajouter aux deux premiers indices. Rendez-vous tout à l'heure à 8h35 si vous repartir avec 100 euros cash avec Yop. Ouais. Baby, we don't waste time. Ce soir, c'est toi la reine. Tu es comme une étoile. Normal que je te mette sous un pied d'estrade. Baby, je t'aime à la folie, folie, folie. Hein? Violence, story, story. Charlie, t'es magnifique, t'es jolie, jolie, jolie. Intérieurement comme extérieurement, t'es intelligent. Tu représentes avec classe la chance. Féminine. Cheveux jusqu'à la racine, la laisser révolver, le regard qui m'a fait. Nina. She is a queen, baby, you so clean. Hey, garçon, ma venue là, si là, c'est passé là, qu'on avant la rue là, si là, c'est en venant, c'est sirène, si là, c'est. And now, c'est breaking news sur CNN RJ International. Je pense que quand Admiralty parlait de beauté divine, il parlait de Nestlé qui est avec nous ce matin, avec Marvin. Ils sont tous les deux là. Et les amis, on va accueillir aussi le journaliste le plus swag des Antilles. Il s'appelle Harry Roselswag. On lui fait une standing ovation. Bonjour Harry. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Et on va commencer cette flash info par le programme télé de ce soir, où c'est la rentrée, vous le savez aujourd'hui encore pour les élèves. Et comme chaque année, on aura droit à des reportages sur des mamans qui accompagnent leurs enfants à l'école. Ça sera sur toutes les chaînes comme ça. Mieux vaudra donc écouter Énergie ce soir à 19h avec l'animatrice qui s'est fait refaire la poitrine. Mais on sait tous que ses défauts, c'est Emma. Elle est entre 19h et 22h. Sinon, il faut le savoir... RFO a embauché un nouvel animateur, c'est un petit jeune, hein, il s'appelle Père Fouras, à 98 ans, il devient le plus jeune animateur de RFO. Et puis, on va terminer par rapidement un petit message adressé à tous les étudiants qui font leur rentrée aujourd'hui et qui nous écoutent, évidemment, il faut bien parler la français. Je vous rappelle que l'école est très très très important pour apprendre à bien parler la français et avoir une bonne travail comme moi. Sur ça, je vous souhaite une bonne week-end. Merci Harry, hein. Merci d'être passé. Voilà. Allez, dans un instant, Marvin, Nestlé sont avec nous. On va leur poser plein de questions. Si vous aussi vous en avez, vous nous appelez. Trouble from the sales, them black. But when them see this skull and bone pon that, from the girl them mad man a go launch and attack. I'm a pirate of the Caribbean. I'm a pirate of the Caribbean. And I'm as sharp as a blade anytime I crusade. I'm a pirate. Un conseil, ne les prenez pas trop au sérieux. vous aura prévenu. Vous écoutez le 5-9 Énergie. Vous écoutez le 5-9 Énergie. C'est moi, je peux sortir ? Il me fait peur, le monsieur qui parle à chaque fois. Là. 8h15, on a des invités en la personne de Nesli et de Marvin. On les applaudit bien fort. Yeah. Ils ont fait un super duo ensemble. Est-ce que vous êtes venu évidemment nous poser sur Énergie, c'est un truc de fou. Et est-ce que justement en ce moment vous êtes en tournée pour ce titre ? Est-ce que vous êtes deux là justement ? Je me dis c'est ça ? Bah écoute, ce soir c'est la première fois qu'on va chanter ensemble, c'est assez dingue. Ah. Et décroissant. Alors, merci. On est bien resté chez vous. Hein. Non, j'en place une au passage. Je rappelle merci, que le sosie de Cyril Lignac travaille ici, mais lui, il se contente d'acheter les croissants. Il les fait pas, il les achète. Voilà. Et je disais, c'est la première fois qu'on va chanter, c'est assez dingue parce que la chanson est sortie il y a un mois, je crois. Mm-hmm. Ouais, un mois, un million, c'est normal. C'est comme ça qu'on arrive à savoir. Ah ouais. Deux mois, deux millions. C'est comme ça que ça marche. Ouais, je me la raconte. Bravo, félicitations. Non, mais je peux pas me la raconter, tu peux pas m'applaudir. Donc ce sera la première fois et on est super contents parce qu'on était un peu chacun de notre côté sur les routes en train de tourner. Et donc voilà, on se retrouve, on rigole beaucoup depuis hier, un peu trop d'ailleurs. Donc ce soir, par exemple, il y a un rendez-vous avec vous ? Oui, à l'Oasis. Il y aura aussi Félicia Ross et un invité surprise. Avec vous, Félicia Ross ? Ah, dingue ! Eh oui. Ouais, t'as vu ? C'est la puissance de l'événement. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Alors dites-moi, pour ceux qui veulent savoir comment y aller... Est-ce qu'on peut leur faire un cadeau ? Tu prends ta voiture. Un cadeau ? Branche ton GPS. Ouais, un cadeau, genre offrir des places pour... Est-ce qu'on peut se faire ça ? Mais bien sûr. Sérieux ? Ils sont gentils. Allez, ouais. une place. J'en offre deux. Oh je t'y rends chérie. Vas-y. J'en offre deux aussi. Oh là deux, moi, deux et demi. Alors, plus deux factices. Voilà. Et ben voilà. Ils sont avec nous, Marvin et Nesli. Restez avec nous, 8h17. Voici Kalash dans les oreilles. Hey Russia, bata la money a program. Menek plus loin qui Taïwan. Ah ah. Oh. Wind up me baby, mettez-moi âge. Dévastez-moi qu'on l'arme. Son ami. Oh man, me love so. Laissez-moi soigner au music codeine. Moi c'est un artiste, moi qui bat un volet rime. Mène au Medellin, girl. Moi quoi qu'un animal bon fait Eline. Est-ce que j'ai ici la ligne? Tu n'y pètes tout stress sans aller pour l'île. Toute copine où j'ai dit ou fuck ou follow him. Girl follow me. Mais madame Bendo, sa dos sa clean. Ah, everything nice on le taille Colombia. Moi plané qu'on amnésia. One in a billion, one in a billion. Guapa, on nous fly, señorita. Love your body girl, yeah me love your body girl. À peine levé les beaux matins, on vient te forge. On qu'à mettre sur pédestal. Les sons gâtés gagnent à sans escale. Yo dis-moi où man t'as là, c'est un danger. La vie ou pas t'es facile, ça qu'est changé. Moi pas qu'à vendre les pensées. Dis-moi où pas besoin de méfier. Ah, everything nice en Moutaille et Colombia. Pas de gueule qu'à faire, mon plan est pour amnésie. 8h20, Leslie et Marvin sont avec nous ce matin. Ah, je suis super content, ouais. C'est la première fois que je la vois en vrai, Leslie. Alors, vous faites un duo ensemble, ça s'appelle Dans ma life. La première fois que vous allez chanter vraiment devant tout le monde ensemble, ça va être ce soir. Exact. À l'Oasis. Quel honneur. Exact. De ouf, c'est un honneur pour nous. Ben ouais, c'est vrai que c'est la première fois, c'est en Martinique, c'est ici. Voilà. Eh ben, y a on des s'était auditeurs... promis de le chanter ensemble pour la première fois. Parfait, c'est parfait. Il y a des auditeurs qui pourront donc y assister grâce à vous, parce que vous avez décidé d'être généreux. Qui a envie d'aller voir Marvin et Leslie? Eh bien, vous débarquez au 0825 825 696. Je rappelle qu'on lâche vos places là tout de suite pour aller donc assister à ce grand show qui verra aussi en invité Felicia Ross, c'est ça, hein? Entre autres. C'est ça, c'est ça. Il y en a d'autres? Ah oui, il y a des surprises, Leslie a dit. Ça va être sympa. Une surprise, oui. Ah. Je pense qu'elle est de taille. C'est un homme. Ah ouais, ouais. Mais je suis pas au courant, moi, en fait. J'arrive où, IPR. Quoi, parce que normalement, sur t'as pas les sources. Sur mon contrat, j'avais marqué que je voulais être le seul homme sur la date. Mais... Non, mais t'inquiète, il a des cheveux, donc on. Ah, d'accord. Ah, bah, parce j'allais proposer tout. Mais bon, voilà. Okay. Bah, Michael Jackson. Il a des cheveux. Bob Marley, je sais pas. Bob Marley, lui. Je sais pas. Hein. Allez, restez avec nous, la suite de vos hits avec Wizkid. Et dans un instant, on va jouer ensemble pour vous offrir d'autres cadeaux dans le 5-9. 8h22. Ah, retrouvez tout Énergie Antilles sur votre smartphone. Écoutez plus de 90 web radios. Téléchargez gratuitement l'appli Énergie Antilles. Envie d'un nouveau smartphone, et du bon son qui cartonne. Alors abonne-toi tout bonnement à une offre d'enfer. Le forfait ça peut pas laisser faire. T'as qu'à choper ton Alcatel Pixie 4, écran 5 pouces. Il est offert et pour un euro de plus, t'auras l'enceinte Bluetooth, la célèbre Disco 4. Forfait ça peut pas laisser faire, c'est l'éclate. Dans la limite des stocks disponibles, kit main libre commandé. Offre soumise à condition jusqu'au 28 septembre pour toute nouvelle souscription en portabilité au forfait SAPE by SFR. Prix en formule Silver, engagement 24 mois. Détails et restrictions en boutique SFR. Buy signifie part. Faites tourner la roulette à énergie et gagnez chaque jour des montagnes de cadeaux. 9h, 13h, la roulette à énergie. Au signal... JC vous invite à faire tourner la roulette à tous les coups, vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez. Jusqu'au 3 septembre, opération rentrée des classes dans vos 4 magasins City Sport. Toutes vos marques préférées sont là. Adidas, Puma, Nike, Asics, Lacoste, Armani, Quicksilver. En ce moment dans vos City Sport, le sac à dos Everyday édition Quicksilver est à 24,90€ au lieu de 39,90€. Les chaussures Adidas ZX Flu Junior sont à 59,90€ au lieu de 74,90€. L'opération rentrée des classes, c'est jusqu'au 3 septembre dans tous vos City Sport. Catalogue disponible sur la page Facebook City Sport. City Sport, 4 magasins à Bas du Fort Gosier, rue Frébault, Pointe à Pitre, centre commercial Milénis et Destreland. Énergie Antilles, première musicale. Demain, 11h, 13h. Énergie dévoile le classement référence de tous vos hits. Le Hit Énergie. C'est 25 hits, un seul numéro 1. Avec tous vos hits préférés. It's music only. Jusqu'à 9h. C'est le 5-9 sur Énergie. It's legendary beat. I be hustling to walk, say, be a jewel like my own. écouter le 5-9 en voiture n'est pas encore verbalisable par la loi. Oups, désolé. C'est le 5-9 sur Énergie. Et je vous invite à partager le 5-9 avec tous les autres automobilistes. Si vous êtes dans les embouteillages, bah écoutez, bon courage, parce que ça va bientôt recommencer avec la rentrée scolaire. Et puis sinon, sachez que si vous êtes à pied sur le trottoir, bah, y a l'appli Énergie Anti que vous pouvez emmener partout avec vous. Voilà, c'est tout simple. On a lâché donc des places aux auditeurs pour aller voir Nestlé et Marvin, qui chantent donc dans ma life. Alors Mumu, il y a qui a gagné? Alors, on a eu 4 gagnants, donc bien sûr, ça a appelé de pas possible. Voilà. Donc, les grands gagnants seront Jackie, Nathalie, Stacy et Miramila. Ils iront donc à l'Oasis ce soir pour applaudir Marvin, Nestlé, Felicia Ross et une surprise de taille qui est un homme qui a des cheveux. Voilà. C'est l'info que vous a donné Nestlé et Marvin. Alors, je vais vous faire écouter les 3 voix mystères. Alors, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, il va falloir reconnaître. Donc, qui se cache derrière ces voix? Honnêtement, je vais dire la vérité, tout le monde préfère la pilule bleue. Justement, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais n'y embitez pas caille. N'y embitez pas caille. Faut pas nous accepter ça. Alors, c'est un truc de fou. Faut découvrir quoi, les 3 voix? Ouais. J'ai la première. La mer noire. Vas-y, fais une proposition. La mer noire. Tu m'as pris pour Julien Lepers. Vas-y, Marvin, fais ta proposition. C'est juste découvrir chaque voix, c'est ça? Ouais, qui parle? Bah, je repasse pour toi. La première, c'est. Vas-y. Ok. Première, c'est Maître Gims. Ah! Honnêtement, je vais dire la vérité, tout le monde préfère la pilule bleue. Justement, je l'ai découvert. Pilule y a pas bleue, longtemps. Pilule rouge, Maître Gims. N'y embitez pas, pareil. Ouais, c'est sûr. N'y embitez pas. Il y a Maître Gims, donc il en manque 2 autres. Eh bien, d'après vous, c'est lesquels? Vous nous le dites au téléphone au 0825-825-696. Allez, on va s'écouter 2 chanteurs super inconnus qui ont envie de percer dans la chanson. Je crois qu'ils viennent, je sais plus d'où, en Chine. Ils chantent en chinois. Que ce film n'existe pas. Je comprends rien à ce qu'ils chantent. Soit ainsi, mon bébé, je t'aimerai jusqu'à la mort. Peu importe le temps, que durera mon désespoir. Je t'aimais tellement. C'est dans tes yeux que je prenais. Ne ressemblera à la nôtre, elles ne seront jamais toi. Tu peux l'entendre dans mes soupirs, rien ne sert de te le dire. Je suis accrochée à toi, à toi, à tout, à ce qui reste de nous. Avec ou sans toi, dans ma life. Avec ou sans toi. Sans toi, sans moi, sans nous. Avec ou sans toi. année que se finit notre histoire. Qu'il en soit ainsi, mon bébé, je t'aimerai jusqu'à la mort. Peu importe le temps, que durera mon désespoir, je t'aimais tellement. Le 5-9 vous offre sa tournée de bonne humeur de 5h à 9h sur Énergie. Allez, 8h33, on a des invités dans le studio, c'est Nesli et Marvin qui chantent dans ma life, tous les deux ensemble, et ça passe en boucle sur Énergie. C'est bon ça. Allez, alors Marvin vous a bien avancé sur le coup, il a reconnu la voix de Maître Gims sur le jeu des voix mystères. Alors je vous repasse le truc et vous devez découvrir donc les deux autres voix. Honnêtement, je vais dire la vérité, tout le monde préfère la pilule bleue. Justement, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais n'y habitez pas caille. N'y habitez pas caille. Faut pas nous accepter ça. Voilà, justement, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et n'y habitez pas caille, c'est les deux autres voix que Marvin n'a pas reconnues, mais peut-être que les auditeurs ont la réponse, Mumu. Ah. Peut-être. On va découvrir en même temps. Peut-être. On va découvrir en live and direct. Et merci, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Jackie. Voilà, bah Jackie, écoute, on a Marvin et Nesli dans le studio, si vous leur dire un petit bonjour. Salut. Ok, Jackie. Bonjour, bonjour, Marvin et Nesli. Salut, Jackie. Bonjour. Ça va, bro ? Ça va, ça va. Il va raconter à tous ses potes qui vous a parlé, qu'il est pote avec vous. Ah ouais, c'est bon. Mais on connaît Jackie, ça, ah ouais. C'est un poteau. C'est un Jackie, c'est un Jackie, quoi. Et voilà. Alors, tu as reconnu... Pour les voix. Ouais, vas-y. Je pense avoir reconnu... Il y a un autre chanteur. Et il y a un syndicaliste. Je peux pas donner plus d'indices. Le syndicaliste, c'est Domota. Exactement. Et l'autre chanteur... Oui. L'autre chanteur, j'ai un doute. Je pensais pas que c'était un chanteur. Je te le remets, c'est du rap. Honnêtement, je vais dire la vérité, tout le monde préfère la pilule bleue. Justement, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Ah ah. Justement. Ça, c'est un gars de la banlieue. Une dernière fois. C'est un gars de la banlieue, ça. Honnêtement, je vais dire la vérité, tout le monde préfère la pilule bleue. Justement, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Ah ah. Il y a une barbichette. Ça me dit... Moi aussi, ça me dit quelque chose. Oui. Oh, ah, c'est exact. Ça. Queenie Bean. Oh, ben ouais. C'est qui, Barbie? Je crois que c'est la Queen. Exactement. Bravo, la Queen. Bravo, ouais. Eh ben, ce qui te permet de repartir avec les cadeaux du 5-9 Énergie. Ben, on t'offre les cadeaux. Passe un bon week-end, mon ami. Ok, merci. Salut, Jackie. Salut. Allez, voici Yuji Mister Easy. Et dans un instant, on vous offre 100€ cash si vous avez les trois indices du tiers seigneur. Voilà. A tout de suite après ce gros hit énergie. Shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me. End up, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me. One in a million. Nobody give me wine like this. Tell me I be one in a billion. Where everybody then they call me cheap. I know they carry posts like a bullion. Where if you give me dance, you go chop deep, babe. Baby girl like a billions. Where you give me chance, make you chop deep. I she do the Al-Qaeda. She said the yoke up on fire. Where body big like Bombardia. A body big like Bombardia. She say she no want no wahala. She no want no wahala. Cause she need a real man like Montana. Oh yeah, shut up, she gon' give me kind of dance with me, I never see. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. Shocky, shocky, Mr. Al Qaeda, baby, dancing for me, end up. She be tryna hold my hand though. Shorty said she wanna do the tango. I did tell her she be fine all the time when she dance. Say you're sweet, it's a mango. So wind up your waist for me, baby. The Al Qaeda, they drive me crazy. The way you kill her dance, them are rated. Me love your style and nobody can debate it. So let me see you shocky, shocky. Oh girl, make you take it low. Girl, move your body, body. me cause tonight it go be my go, it go be my go. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and dab. Cashiop Energy. Vous avez le tiercé gagnant, vous gagnez 100 euros cash dans le Morning Energy. Ah, moi j'adore ce moment où le week-end il arrive et là il y en a un qui gagne 100 euros cash et qui va se faire plaisir. C'est avec le tiercé Yop que vous gagnez tous les matins, 6h05, 7h05, 8h05, on vous donne 3 indices des parfums Yop à retenir et à nous dévoiler là tout de suite au 0 825 825 696. Si vous avez tout noté, c'est le moment de nous appeler. Mumu, Ipati. Nous avons Anita au téléphone. Bonjour Anita. Bonjour. Alors, Anita, on t'écoute. Alors, le premier parfum, fraise. Fraise, ouais, c'était bien ça. Le deuxième, pêche-poire. C'était bien ça. Et le troisième, mangue. Et... ouais, alors là, c'est ça même. Bravo. Ça en fait des pêches. Ah ben, ça en fait des yops. T'as vu, même Marvin et Nestlé sont jaloux, je te jure. C'est bon. Elle est vivante ou... ah, elle est là, elle s'est évanouie. Ouais, je suis éteinte. Oh, je suis là. D'accord. Elle a plus de voix, je crois. Je suis sous le choc. Mais écoute, tout va bien. Alors, grâce à ces 100 euros cash que tu viens de gagner dans le tiercé yop, tu deviens la 9e fortune mondiale de ton quartier. Magnifique. Oh là, de fou. Allez, en tout cas, passe une bonne journée. Profite bien du week-end, donc, avec ta thune hein, en poche. Hein. Voilà, ça peut faire. Merci, Énergie. Allez, Dior Elvis Crespo pour la suite de vos hits préférés sur Énergie. Il y a Marvin et Leslie dans le studio, vous l'avez entendu, il est 8h40. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Una mexicana se puso a bailar. sont ici sur Énergie pour vous réveiller. Et tout à l'heure, Nesli, Marvin sont avec nous dans le studio. Et on va appeler quelqu'un de très important pour Énergie pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Bougez pas. We accept the honey for the day, baby. Bad man, we no stray, baby. Oops, I done fell for your way, baby. Tout le monde sur Énergie, il est 8h47, c'est un truc de fou. Tiens, on va appeler un auditeur fidèle du 5-9 d'Énergie, il adore le 5-9, il nous a envoyé plein de messages. Et justement, on va essayer de lui faire plaisir, parce que là, il nous couvre de trop de messages. C'est vrai, il en envoie trop. C'est comme dans ma boîte aux lettres, tu sais, quand je vais récupérer le courrier, il y a trop de pubs, trop de prospectus, trop de... Lui, il envoie trop de tout. Ah ben voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui, son émission préférée va lui faire plaisir. Voilà, tranquillement. Jeannot est avec nous. Jeannot, c'est... Oui, salut, les amis. C'est notre monsieur réseaux sociaux, c'est notre community manager. Voilà. Oui. C'est l'homme que vous ne voyez jamais, mais dont vous voyez le travail. Alors, l'homme de l'ombre. Exactement. Alors, attention. Je veux dire aussi que je suis pas très beau, donc il faut éviter de prendre en photo. Exactement. C'est pour ça que je fais de la radio. T'es avec Marvin et Nesli, c'est bon? Oui, ils sont là. Alors, vous vous dirigez vers un bureau rapidement? Oui, nous dirigeons directement dans le bureau du monsieur. Alors, je sais pas ce qui va se passer, je ne garantis rien. Est-ce que je vous mets la musique de Koh-Lanta ou Fort Boyard? Ou bien la musique des avis d'obsèques? Je fais quoi? En ce moment, c'est Koh-Lanta, justement. Donc, allons-y pour Koh-Lanta. Ouais, je l'ai pas. Voilà, tant mieux. Il faut pas le nommer, hein. On y va ? Attention, on ne nomme personne, c'est quelqu'un qui écoute le 5-9 Énergie et vous allez lui chanter joyeux anniversaire en entrant dans son bureau. Alors, attention. C'est bon, on peut y aller ? Oui. Allez-y, allez-y. C'est parti. Allons-y. Alors, on va rentrer en chantant, en fait, simplement. Voilà. Joyeux anniversaire, monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Un truc de ouf, un truc de ouf. Oh, c'est trop beau. Voilà, et tout à l'heure. T'as prévu des mouchoirs quand même ? On sait jamais si notre, si notre directeur général se met à pleurer. Parce que là, ils sont dans le bureau du directeur général d'Energy Antilles. Et c'est Marvin et Nestlé qui lui souhaitent un joyeux anniversaire. J'aurais aimé être à sa place à ce moment même. Voilà, voilà. Alors qu'il ne voulait pas. Donc il embrasse Marvin. Ouais. Il embrasse Marvin. Et il embrasse Nestlé. C'est un moment vraiment émouvant. Et il va nous taper, ou tu penses, Jeannot, ou pas ? Taper qui ? Donc on vous le passe ? Nous. Ah d'accord, mais ils ont eu de la chance qu'il ait pas sorti la bombe lacrymogène, parce que la dernière fois que je suis entré dans son bureau, il a cru que c'était une agression. Ok, je vous le passe. Bah oui, bah écoute, on va chanter aussi, il va voir la différence. Ok. Quand même. Non, c'est pas il tous est les pas jours. Disponible. Non, il a une... Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Non, mais il a raison, parce qu'il sait que c'est nous qui allons chanter, il n'est pas disponible. Eh ben, tu lui fais un gros bisou de notre part, de Mumu et de la part de Jim, et de la part de JC aussi, qui regrette de ne pas être là. Dans ce... Ok. Allez, ça c'est la suite, Johan Milka, avant de vous offrir une pochette astro de la Française des Jeux. Mumu, le signe qui doit nous appeler ce matin, vas-y. Ce sont les taureaux. Ah, cool. Et ouais, c'est pour vous que ça va bien se passer aujourd'hui. À tout de suite. Faites tourner la roulette à Énergie et gagnez chaque jour des montagnes de cadeaux. 9h-13h, la roulette à Énergie. Au signal... JC vous invite à faire tourner la roulette à tous les coups, vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez. C'est déjà la rentrée chez Matrix, avec des prix imbattables sur les plus grandes marques. Matrix, le magasin toujours imité, jamais égalé. Matrix, c'est faire la différence. Écoutez ça, un jeans plus un t-shirt et un boxeur à 29 euros. Un t-shirt caporal à 19 euros. Une paire de Vans adultes à 49 euros. Les Air Max sont à 99 euros. Et attention, arrivage massif de sacs à dos pour les ados. Rip Curl, Nike à partir de 29 euros. Sans oublier la foire aux bonnes affaires de la rentrée pour les petit budget. Matrix, toujours le premier de la classe. Ouvert 7 jours sur 7. 3 magasins au Moule et un autre à Saint-François. Taurus Riley, le samedi 1er octobre, il revient à la Casa. Après des vacances de folie, la Blue Magic vous offre sa dernière soirée afin de vous remercier. Samedi 3 septembre, Blue Magic au Kama Club avec les meilleurs DJs de Lille. Dress code, fashion and chic. Reza et Infoline 06 90 55 58 84. La dernière Blue Magic des vacances, ce samedi 3 septembre au Kama Club avec Énergie Antilles. Prévente disponible sur Rollmall. Ici, c'est Énergie Antilles, première radio musicale. Retrouvez tout Énergie Antilles sur votre smartphone. Tous les hits Énergie en illimité et sans abonnement. Téléchargez gratuitement l'appli Énergie Antilles. Jusqu'à 9h, c'est le 5-9 sur Énergie. 5-9 sur Énergie. Ah bah ça c'est cool, c'est le moment que vous attendez tous. Alors, Mumu, tu as dévoilé le signe qui devait nous appeler au 0825-825-696, c'était... C'était les taureaux. Voilà. Et donc, oui, nous avons... C'était les taureaux, nés entre le 20 avril et le 21 mai, et nous avons Caroline au téléphone. Bonjour Caro. Bonjour. Ouais, Caro, tu me déçois, je crois que t'allais arriver en faisant... Comme un vrai taureau, quoi. D'accord, ouais, ça c'est plus la vachette d'Interville, là, du coup. Alors, non, je plaisante. On a une pochette astro de la Française des Jeux à t'offrir, mais avant, on va te dévoiler ta journée, évidemment, avec Mumu. Okay. Eh oui, pour aujourd'hui, les taureaux, quelques difficultés de votre vie conjugale, mais rien de grave, hein, pas de panique. Côté argent, tout est à l'équilibre et santé, surtout, on n'oublie pas les bonnes résolutions de la rentrée. Quand voilà. Même, hein. Ça tombe bien qu'elle ait des difficultés, pas à parler, hein, mais des difficultés dans sa vie conjugale, parce qu'elle est célibataire. Voilà, tant mieux. Ah bah c'est cool. Ouais. Ouais, c'est ça. La pochette de la Française des Jeux pour toi, et avec ça on te souhaite un bon week-end, merci d'être passé, merci de nous écouter. Merci. Voilà, vous êtes bien fort. Bravo. Merci Énergie. De rien. C'est gratuit, comme on le dit. Ouais. Allez, avec nous Marvin et Nestlé qui seront ce soir à l'Oasis. On vient d'offrir des places à plusieurs auditeurs du 5-9. Et donc, une autre surprise que vous nous réservez tous les deux, n'est-ce pas? Ouais. Vous allez vous marier. On vient de s'organiser. Elle attend un bébé. Non, non. Marvin attend un bébé de Nestlé. Mais les gens ont vraiment cru, enfin, certaines personnes ont vraiment cru qu'on s'était mariés, quoi. Mais ça voudrait aussi dire que tu serais décédé. Ouais. Bon, bah, je me casse. Oh là là truc, Bah, non, je suis juste l'histoire et le. Non, mais c'est vrai, t'as pas vu, il y a des commentaires. Oh, j'y crois pas, ils se sont mariés, oui, truc de les fou. Photos, parce qu'on a posté une photo sur Instagram de nous. Aux Antilles, on appelle ça des mecos. Voilà. C'est ça. Bon, alors la surprise, c'est quoi? Bah, on sera le 9 et 10 novembre. Novembre, on sait pas. Pour. Énergie Music Tour. On sera là de retour. Ouais. We back. Attends, vous avez signé le contrat là? A signé le contrat, ouais. Tout attends, est ok. Attends, passe-moi le contrat. Ah, il est là le contrat. Alors, monsieur Marvin s'engage. Ah ouais, ça me plaît pas. Tout signé. Arrête voilà. Dimitrino. Voilà, la bon. Somme, t'as mis le. Voilà, c'est la somme qui me plaisait pas. On aurait dû vous donner plus. Non, on est comme ça, nous. Bon, mais en tout cas, merci d'être passé. Je rappelle que ce soir, vous êtes à l'Oasis. Et puis, en ce moment, votre actu, on la retrouve sur les réseaux sociaux. Vous êtes partout, Marvin? Ouais, on est partout. Moi, je fais ma promo. Mon album vient de sortir. Ça s'appelle Mes couleurs. C'est dans les bacs. Yeah. Et donc, voilà. Bientôt en concert et bientôt ici, aux Antilles pour l'Énergie Music Tour. Voilà. Inès, il y a de nouvelles recettes de cuisine qui viennent de sortir. Non, en fait, un foulard, ça me rappelle les cuisinières antillaises. C'est pas toujours des foulards. Il a rien compris. À la mode. D'accord. Voilà, d'accord. T'as rien compris. T'es saut 2015, quoi. Ah, d'accord. Et donc, Nestlé, en ce moment, pour elle, le bébé qu'elle vend, qu'elle promotionne. Enfin, on dit pas ça. Dont elle fait la promotion, plutôt. C'est quoi, mon bébé? Je sais pas. Non, là, je rentre en studio pour mon troisième album. Voilà. Et là, je suis surtout en tournée, un petit peu partout. Voilà, ouais. Ah, bah écoute. Mais bon, je prépare un album pour fin décembre. Il faut. De cette année? De là. Oui. Elle nous fait un cadeau de Noël. Voilà. Je suis comme ça, moi. Eh ben, merci d'être passé. Ben merci pour l'invitation, merci les gars. On va se quitter avec ça. Joe, Ride With You. Ouh. Ça fait certainement partie des classiques de Marvin. Yeah, c'est bon ça. C'est bon. À lundi. Moi j'aime beaucoup Jacques Brel. Bon week-end. Vas-y Marvin, lâche-toi. Can you picture me and you? None of come your on. Friends, no crew. We could do whatever you want to do. I take your mind off whatever you're going through. Woo! And sit back and relax to the sound of the sacks. I'm hood, but that don't mean I ride around with the rats. I work and make you lose a couple pounds in the sack. Look at what we got right here. Such a work of art. Someone I'll give my heart to. Anything is what I'll do. Just so that she would be mine. I'll give her all my time. Every part of me, my mind, soul and my body. What's up? I wanna ride at you, love at you. I'm in the hood. Ooh, yeah. Yeah. I'm in the hood. Ride at you, love at you.

one-on-one with you. Back to the front with you. Yeah, grind and bond with you. You're one-on-one. I wanna go one-on-one with you. Back to the front with you. Don't have to front, it's true, yeah. You're one-on-one. I wanna go one-on-one with you. I want you to want me to. I wanna go one on one with you. Yo man, yo, open up man. Girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. With who? The girl next door, you know? I don't know what to do. Say it wasn't you. Alright. Honey came in and she got me red-handed, creeping with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra fee? All this time. To your villa, trespass on a witness, all of your clean on your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Let's review the situation that you call the winner. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, convince her say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim her, you tell her, baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that